Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'épisode 162 de chez Papa Cassette. Alors pour le numéro 1, on y va avec Ernie Wakely. On l'a fait, on fout lui. C'est... Ah, c'est dommage. On y va avec Rogie Vachon. Rogie Vachon? Oui, c'est écrit Rogie Vachon. Donc, gardien du Canadien. Ben, ça devait être Roger, mais en anglais, il change les mots. Donc, Rogie Vachon, gardien du Canadien 1967 à 1972. Donc, des 5 plus belles années de sa vie, très certainement. Et pour le numéro 62, j'ai même pas regardé qui il y avait là-dedans. Il y a 4 joueurs. On a les chiffres weird un peu. Là. On en a un très connu, là, en Arturi Lehkonen. Ah, ben oui. On va plutôt y aller avec Frédéric Saint-Denis en 2012. C'est aucune idée. Le gars, il est venu au camp, genre, il a joué une game, il a reçu une puck dans les chenolles. Il est redescendu dans les mineurs. Il a eu son nom dans les stats. Oh my God. Ça va, GF? Oui, toi? Ben oui, un beau retour de vacances que t'es en train de faire là. Je suis en train de vivre le retour de vacances direct. Hier, retour de vacances. Aujourd'hui, retour du podcast. Ouais. Et vendredi, début de maternelle pour mon garçon. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ouais. Retour, ben, rentrée progressive, là. Fait que là, il est où? Ah, ben, il est chez sa mère. Ouais. Il est en vacances avec sa mère pour une semaine, là. Parce que les camps d'été et tout ça, c'est fini, là. Il était pas au camp d'été, il était encore à la garderie, mais là, la garderie est finie. Je suis maintenant. T'as pas vu mes poches sont pleines d'argent, mon gars? C'est vrai, t'es plein d'argent. Mais j'ai fait de mon dernier paiement de garderie, j'étais comme, oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Je peux même me louer un chalet en permanence. Genre, De l'oseille à côté. Ben oui, voilà. Maintenant, il commence ça vendredi, là. OK. Deux heures avec sa mère à l'école. Après ça, c'est genre une demi-journée, après ça, une journée complète. Après ça, il y a une journée de congé direct parce que ça travaille pas, ces enfants-là. C'est vrai, c'est la fête du travail. Oui. C'est pour ça. Ben, il travaille pas, non. C'est ça, il est en congé. Non, exactement. Il est en congé de travail. Pas de coloriage cette journée-là, ni de comptage de boules. Pas de bâton de colle à licher. Ou... Merde de voir. Bien, ouais. Ça se pogne le cul, les jeunes de nos jours. Ça va dans des chalets l'été, puis ça se pogne le cul. Ben, écoute, c'est parfait. J'espère que tu sauras utiliser tous ces beaux dollars à bon escient. Oui, il faudra. Il le faudra. Une couple d'affaires à dire en intro. Ben, saluer le monde aussi dans le chat. Ben oui, on va saluer le monde pour commencer. Monseigneur Neveu, qui est présent. C'est quand le retour de la LSDP? J'ai aucune idée. J'ai pas parlé au gars depuis comme 4-5 mois. Fait, je sais pas. On sait pas. Peut-être en octobre. Quand le hockey va commencer à se sentir c'est pour ça, vrai, là, je pense que les discussions vont on se prendre. On est tous off de hockey en ce moment. Là. Exact. King Nadera, toujours là. T'as le beau jeu, salutations. Yes. C'est Frank qui est là. Hola. Simon Lahaye. Et that's it. Olivier, 888, qui écrit allô. En très gros. En fonte de Tostitos, genre. Fait que, ben, bienvenue tout le monde. Je voulais ouvrir le spectacle avec pour parler des bières que Retro MTL a fait. On a fait des... Attends un peu, avant de mettre les images, je me prépare. Tu peux peut-être nous en sortir. Tu serais vraiment fin. Donc, j'avais fait une annonce au début de l'été que Retro MTL et la brasserie Mutoïd et la brasserie L'Espace Public, qui sont deux compagnies dans Hochelaga aussi, allaient faire une bière... des bières collaboratives, les trois ensemble. Et puis, ça a eu lieu. Et puis, le 14 août dernier, on a lancé la... On a lancé la Hochelaga Pale Ale Variation Mutoïd. Donc, comme vous voyez à l'écran ici... En fait, tu pourrais même partir le carrousel de photos maintenant. Allons-y, mon vieux. Un petit carrousel de photos. Donc, voici les deux bières. À noter que celle de droite, celle de l'espace public, n'est pas sortie encore. Donc, vous avez une petite preview? Ben, en fait, je l'ai annoncé hier. Ah ouais. Alors, le but avec les gars, c'était de faire un visuel qui allait parler du quartier, mais aussi, je voulais que ça parle des trois entreprises. Fait qu'on a beaucoup fait de design ici à l'interne. Là, on peut me voir avec Jean-Michel Tisseur, brasseur chez Mutoïd. On a fait plusieurs designs à l'interne. Ben, j'ai fait des designs et puis Joe s'occupait de tout ce qui était illustration. Puis on a soumis plusieurs maquettes et puis celle GTA a été retenue. Avec raison, c'était notre préféré. Et puis c'était... voilà, fait qu'on a adapté ça. On peut voir ici chez Mutoïd. Le lancement allait avoir lieu. Même vos mascottes étaient là. Nos mascottes étaient là. À qui tu fais coucou, Happy? Et puis, c'est quoi tu dis? Fait déjà, que... quand, dans Happy Gilmore, quand, dans, à la fin, quand il salue genre, sa grand-mère, puis Shops dans le ciel. Avec ah oui. À qui tu fais coucou, Happy? Parce qu'il t'avait laissé une main dans le ciel, fait que ça m'a fait penser à ça. J'ai une bulle au cerveau. Là. C'est vrai. Ici, avec Simon, le brasseur de l'espace public. Donc, chacune des bières, comme je disais, a des affaires des trois compagnies dessus. Et puis, es-tu capable d'avancer les photos? Oui. Pour revenir à la première, puis juste la geler. Ouais, c'est ça. Tu peux geler ça. Donc, à gauche, pour Mutoïde, qui est une microbrasserie à thématique métal, parce que les gars, c'est des métalleux, on peut voir ici guitare électrique, un power glove qui fait Devil. Yeah. Ça, c'est mon idée. Ça, c'est une très belle idée. Une pinball, parce qu'il y a beaucoup de pinball là-bas, tournoi de pinball. Ouais, et puis, ouais. ça fait jeu vidéo quand même, arcade, pinball, tout ça. Ça reste dans le thème. Il y a un skate parce qu'il y a un gros skate park direct en face, puis ça fait partie du paysage. Ouais. Et puis on a notre mascotte Glitch ici qui arbore un maquillage de black metal. Alors ça, on trouvait ça très drôle. Et puis pour chacune des deux, on a mis le coin de rue. Donc Préfontaine, Hochelaga pour Mutoïde. Et puis on a mis des éclairs en arrière pour que ça fasse méchant. Puis celle-là, c'est San Andreas. Donc j'ai repris la fente de San Andreas pour écrire Mutoïde. Ah ben donc, ça, c'est la version Mutoïde. De l'autre côté, à droite, on a l'espace public. Donc, on ramène encore le coin de rue de Rouen et le Tourneux, mais cette fois-ci avec un genre de soleil couchant, la Miami Vice, là, tu sais. Ça fit bien. Puis là-bas, tu sais, c'est ça, c'est chaleureux, terrasse. Donc, on a mis terrasse extérieure, on a mis les globes de leur terrasse. C'est juste à côté du stade olympique, fait qu'on a mis le stade en gros. Notre mascotte, Lunar, qui arbore une ceinture de lutte. Ah ben oui, j'avais pas vu ça. Parce qu'il y a des combats de lutte, ils font des soirées de lutte de temps en temps là-bas. Dans le bar? Dans le bar. Okay. Ben, c'est pas un bar, c'est l'usine. Donc, il y a un salon de dégustation très grand. Ben, t'es déjà venu, là? Ouais. Fait que c'est ça, il y a une grosse terrasse puis il y a deux étages. Mais ils se battent où, genre à terre? À terre, direct sur le béton, man, au deuxième étage. Calvaire, on n'a pas pu assister, fallait payer, mais ouais, ils veulent en esti. Puis un beau gros roteux pour parce qu'ils ont de la bouffe là-bas puis tout, puis ça fait Hochelaga un peu puis une manette de Super NES. Fait que puis eux autres, ben c'est écrit l'espace public dans la même fente que Vice City. Alors tu peux repartir le carrousel, en effet. Alors voilà, Joe a tout fait les illustrations. C'est vraiment très, magnifique, très nice. Ouais. Moi, j'ai fait le design graphique, donc tout ce qui est le découpage des images, les signatures, le texte en arrière. Ben, la conceptualisation, là. La canette va être blanche, les couleurs, ça va être ça. Ben, Joe aussi a travaillé ses couleurs. Fait que très, très, très fier du résultat. Donc, on a lancé la petite canette Mutoïde chez Mutoïde le 14 août dernier. Et puis, elle n'est disponible que chez Mutoïde. Il n'y a pas de distribution. Il y en a en fût. Je ne sais pas s'il en reste encore. Donc, vous pouvez vous faire couler une pinte là-bas ou l'acheter en take-out directement. Donc, désolé pour ceux qui sont à l'extérieur de Montréal. Elle ne sera pas disponible. Par contre, celle de l'espace public qu'on voit présentement, il y aura une distribution dans plusieurs points de vente montréalais, dans des places de bière spécialisées. Et aussi, il y aura 100 caisses qui vont être distribuées un peu partout au Québec. Okay. Où exactement, je ne sais pas. Laver-le-Cher. Laver-le-Cher, on l'espère. On peut voir ici un petit montage photo là, très chaleureux. Ah, ouais. Et puis, je ne sais pas où. Mais si vous avez, je le répète, tout comme les premières batches de bière qu'on avait faites avec l'espace public, les deux autres. Demandez à votre commerçant de bière locale de communiquer là, avec l'espace public pour en avoir, puis peut-être qu'une caisse ou deux pourra lui être envoyée. Je ne sais pas comment ça marche. Mais voilà, alors il y en aura un petit peu de l'espace, celle de l'espace public un peu partout. Ce sont des Pale Ale, donc c'est une bière blonde, ben, qui peut être foncée. Ouais, ouais. Certains trouveront ça foncé. Ça dépend. Okay. Les Pale Ale, c'est comme des IPA, dans le fond, des Pale Ale. Donc celle-là de Mutoïde a fini sur la céréale, on peut même se les ouvrir. Ouais. A fini sur la céréale un peu. Je suis un gros fan de PLL. Ouais, c'est une bière de soif quand même, ça peut sonner IPA, India Pale Ale, ça peut sonner amer, mais c'est une bière de soif malgré tout à 5,5%, ça se boit tout seul. A fini sur la céréale, celle-là de l'espace public, elle va être plus hazy. Donc hazy IPA là, tu sais. Je vais prendre une gorgée moi ça. C'est très bon. Donc c'est ça. Vraiment plus céréalière celle-là. Ouais, t'as raison. On sent le grain là, tu sais. Fait que, ouais. Puis celle-là de l'espace public, comme je disais, Hazy. Hazy is still IPA. Et puis voilà. Donc, ah oui, puis donc pour finir avec ça, le lancement de celle de l'espace public aura lieu ce vendredi 29 août au Beer Garden d'Hochelaga qui s'appelle L'amour et la mousse. Okay. Ça, c'est au. C'est où ça? Asti, j'ai oublié de noter l'adresse. C'est Jean-Coin Bourbonnière, Ontario, là, bon. Vraiment. Vendredi de 17 à 22 heures, samedi de 14 à 22 heures et dimanche de 12 à 20 heures. Et puis, il y a plein de. Il y a de la bouffe, il y a. L'espace public est là, Mutoïd va être là. Ouais, ouais. Je pense pas qu'ils vont emmener de leur bière qu'on a faite ensemble, par contre. Il en restera peut-être même plus. Il y aura aussi Aricana et l'île de Garde. Donc, quatre bons brasseurs. Ouais, ouais. Alors, si vous êtes dans le coin de Montréal, dans le Schlag, ce vendredi, moi, j'y serai. Je vais aller goûter à ça. Venez nous voir et puis profitez-en. Passez chez l'espace public ensuite. Chez Mutoïd ensuite pour vous grabber des cannes. Bon. Et puis, aussi, ben, les cannes vont être disponibles à l'usine de l'espace public par la suite, sans problème, si vous êtes de Montréal. Pour se guette de la canette. Pour se guette des canettes, en effet. Fait que c'était les nouvelles concernant ces bières-là. Très heureux. Dernière nouvelle en ce qui me concerne, Jean-Pierre Bellan, qui est un auditeur, est passé ici chez Retro MTL alors que j'étais absent. Et puis, il est arrivé avec bien des Nintendo Power, des beaux Nintendo Power, là, des vieux. Et puis, il a aussi amené des Flash Puissance et puis tout son kit de cartes du Club Power. Wow! Et puis, le Power Club... Comment ça? Club Super Power? Man, j'ai complètement oublié. Mais à l'époque, tu pouvais t'inscrire à ce Club de Power machin. Et puis, je pense que c'est ça qui te permettait d'avoir accès à certaines promotions Nintendo, là, dont justement les Flash Puissance et tout ça. Alors... J'étais pas là, mais j'aurais. Tu sais, comme il a amené ça pour qu'on le préserve, tu sais, pour le musée, là, ici. Là, on n'a pas de musée encore. Ah, il veut le léguer comme genre. Il veut comme le léguer à, tu sais, vendez-le pas, ou jetez-le pas, là, tu sais, c'est ma carte Club Power. Puis si un jour vous faites un musée, tu sais, vous aurez ça. Ben, c'est tout du vrai gear, là, officiel, là, tu sais, vraiment hot. Que j'aurais dû l'amener pour le montrer ici. Ouais. Mais en même temps, il voulait pas qu'on montre son adresse, puis son adresse est partout dessus. Fait qu'en tout cas, j'aurais fallu que je la masque avec mes doigts. Mais c'est ça, c'est de la promo, là, dans le temps. C'est de la promo un peu cheap, là, mais quand même de l'époque, c'est vraiment beau à voir. C'était carré, hein? C'était carré. Fait que, genre, écoute, j'ai profité de tes Nintendo Power, mon cher Jean-Pierre, pour faire des petits upgrades. Jean-Pierre. Pour faire quelques upgrades dans mes Nintendo Power, Power à moi, qui sont de C'est comme la préservation. C'est de la préservation. Ben, si jamais il y a un musée, moi, je vis de ma maison, ça va tout dans le musée. Fait que ça y va anyway, hein, pas d'inquiétude. Ça serait écho dans ton sol après ça. Mais on remplirait ça d'affaires. D'autres cochonneries. Fait que voilà, donc je voulais prendre le temps de le remercier. C'est vraiment très apprécié d'avoir pris le temps. Et puis, désolé si j'étais pas là, ça m'aurait fait vraiment plaisir de te serrer la pince et d'accueillir tout ça. Mais quand j'ai vu ça le lendemain matin, le staff avait monté ça en haut ici. Puis là, je suis comme, mais c'est donc bien beau tout ça. Qu'est-ce que toutes ces vieilles belles choses? C'est quoi cette belle offrande? Exact. Donc, très, très, très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Et voilà. Donc, toi, Jeff, on est rendu à ce que tu nous racontes Je vais essayer de faire un retour de vacances sans faire le gars plate qui demande des photos de vacances. J'ai plein de photos de vacances quand même, mais ça a beaucoup de rapport avec du gaming parce que j'ai fait des barcades et tout ça. Of course. Dernier show, on était juste avant que je sois en vacances, en fait, là. Ouais. Genre le mercredi, le jeudi, je suis en vacances le soir. Le jeudi soir, j'ai crashé, là. C'était épouvantable. J'ai jamais crashé mentalement de même. C'est quand la pression, alors. Oui, mais là, c'était trop. Là. C'était un an de pression. Genre, plus jamais, là. Ah, ouais. Hein. Plus jamais, je vais faire ça. Ça n'a aucun bon sens, là. C'était trop, là. T'as-tu été correct? T'as dormi, puis le lendemain, t'étais good? Je m'ai pris une couple de jours avant de 100% décrocher, mais j'ai pas checké une fois mes courriels de job. T'sais, mon laptop, là, j'ai fermé. J'étais dans un sac, puis j'ai pas pensé à ça, là. Mais au début, ça. Un an est en overtime non-stop, puis tout le temps, genre un projet qui roule 24-7 à cause qu'il y a du monde en main, il y a du monde partout, c'était trop, là. Ouais. Clairement, là. Ouais. Fait que, ouais, je tombais en vacances rapidement après ça, j'avais mon gars, fait qu'on était partis en chalet ensemble. Je trouvais que j'ai des notes. Des petites photos comme ça de chalet. Fait qu'on avait un chalet dans Thursday, fait qu'encore une fois, dans les Laurentides, là. Que j'avais l'année passée avec mon frère, puis mes parents, puis. On ferait une petite fille de 4 ans, fait que c'était bien là. On peut voir en bas, là, t'sais, le, il y a un pédalo, là, fait qu'il y avait pédalo, paddleboard, du kayak. Ouais. Là, couple de jours tranquille avec ma famille à décrocher. Là, puis, je vais passer les photos. Vous êtes-vous baigné en masse ou c'était trop fret? Ou, On pouvait se baigner, mais on est allé comment ça s'appelle? Je l'ai ici. Complexe Atlantide. Okay. C'est un genre de zoo. C'est le GoBot du zoo de Granby. C'est ça. Ouais, en tout cas. Il faisait chaud. Mon gars était dans la poussette parce qu'il voulait pas marcher parce qu'il faisait trop chaud. Dans Garnotte, mais c'était super vaste. Fait que tu passes ton temps à marcher par marcher. C'était un peu difficile. Bon, on avait cette belle petite verranda dans laquelle j'ai joué abondamment à Shanté sur ma pocket. Ah ouais? Tu l'as-tu fini? Non, j'ai pas le temps de la finir parce que j'ai embarqué sur la critique que j'avais ce soir. Quand j'ai vu le code que tu m'as envoyé, je fais ceci prend le dessus sur tout ce qui existe présentement. Là. Maintenant, moi et mon gars, on a passé du temps dans cette belle véranda là, avec nos iPads et nos cossins. Whisky, feu de camp, là, évidemment. Le classique, vu de haut ici, que j'avais pogné sur le net, là, mais bon, c'est un très beau chalet, très cool, toujours plaisant d'aller passer une couple de jours sur le lac. Nous, on loue beaucoup de chalets, là, vraiment, là, au moins un par année, là, avec les amis. Là, on est tout le temps en train de louer des chalets. J'adore ça. C'est le fun pour vrai. Ouais. J'allais aussi à la plage de Radun un matin. Ah ouais? Très, très petite plage de Radun. C'était gros. Une couple de mètres, là. Wow. Mon gars était bien content, là. Après ça, j'ai fini ma semaine avec mon gars, puis je l'ai donné chez sa mère, et je suis parti à Toronto. Oui. Prérequis pour aller à Toronto ou en voyage pour moi qui fasse une hostie de canicule pas possible tout le temps, là. C'était mon voyage de pèlerinage, là, en fait, là, que je fais. Comme j'ai fait à Vegas l'année passée, tu sais, je m'en marchais une ville, là. OK. J'ai marché 45 km en 2 jours et demi. C'était trop. Calvaire. Je chantais plus mes jambes après une journée et demie. Je regrettais ma vie un peu d'être là-bas. Là. Mais t'étais déjà allé. Oui, je vais là souvent. Je vais là à peu près chaque année pour voir les Jays. J'aime beaucoup le baseball puis se me prenais là. Fait que, j'étais allé dans ce bel hôtel. Là. Moi, ce que j'aime faire quand je vais dans des places de même, si je m'en vais sur Expedia, mettons, là. Puis je regarde les meilleurs deals. Les hôtels cringe. Non, pas les hôtels cringe, mais les meilleurs deals un peu off, genre du coin central. Où est-ce que les bons deals, mais les bons ratings, pareil. Là, je suis allé au Old Mill. C'est une place, c'est un ancien moulin anglais, cette affaire-là. Puis je pense que c'est là que le monde se marie, là, dans la fin de semaine. Là, puis, parce que, tu sais, il y avait plein de cars, là, puis d'affaires comme. Tu sais, quand c'est fucké, par exemple, comme architecture. Ouais. Je suis rentré là, puis genre, j'en revenais pas. Il y avait genre du plancher de bois franc dans ma chambre. Ouais. C'était. Tu sais, un foyer, là, au gaz, puis tout, là. Je veux juste dire, en passant, qu'un mill, c'est un moulin, ouais, en fait. Puis un miller, c'est un meunier. Ah, ouais, ouais. Donc la Miller, la bière Miller, ça veut dire meunier. Mill Street, c'est cette brasserie-là. C'est la rue du moulin ouais. En effet. Et puis, ça, c'était le vieux moulin. Donc, c'était sur la station Old Mill. Parce que moi, je suis allé là comme un Torontois. Là, je voulais vraiment me promener en transport en commun. Puis, j'ai pris le métro à côté, puis le streetcar. Le tramway aussi. Tramway, là. Ouais, on l'avait pris, nous autres, avec. C'était nice, man. Ah, ouais, c'est hot, là. Puis, ça, c'est une station à part. Fait que moi, c'était au coin de la rue, il y avait la station de métro. Je suis comme, ah, je suis good, je peux aller dropper mes affaires, puis me promener, là. C'est ce que j'ai fait au début, en fait, là, j'ai droppé mes choses à l'hôtel, j'étais allé regarder le petit lac en avant de mon hôtel, comme ça, c'est beau. C'est très beau. J'étais très bien, et là, j'ai pris mes affaires, puis je m'en vais dans le centre-ville, je m'en vais à la Distillery District, donc c'est une place où c'est un petit quartier, là, genre de des petites boutiques, des petits restos, là, tu sais, genre, une rue avec des trucs d'or dedans, là, puis c'était bien. Sous-évalué la marche à faire pour me rendre là. C'est là que j'ai compris le métro puis le tramway après une journée et demie. Il y a des lignes de métro qui sont parallèles au streetcar, mais genre dans ma tête, ça se mélangeait un peu. J'étais pas sûr. À chaque fois, j'étais comme 1,5 km. Ça se marche, y a rien là. Mais à canicule, c'était comme j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pu sauver un peu de temps. Là. T'as-tu pris des Uber? Ouais, j'en ai pris deux. Ouais. J'en ai pris un après celui-là d'ailleurs. Je m'en allais là. J'étais allé souper au Old Mill, justement. Mill Street. Ouais. Prendre des grosses bières. Comme un cave, j'arrive là. Voulez-vous être sur la terrasse? Ah oui, j'étais en sueur. Je me prends des crevettes Kung Pao. Genre, je coule de partout. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mettre fin à tes jours. Mettre fin à mes jours. À Toronto. Ouais, c'est ça, là. Mais là, ça, j'ai arrêté de manger là. Puis là, puis ça, avant que je parte, je regarde où sont les choses à la map. Là, je regarde le tilt. Et c'est fermé. Ah. Et là, je regarde. Ça n'a pas passé au feu, ça, pour réouvrir ailleurs? Oui. Mais là, je regarde. Ah, on a un dégât d'eau, on est fermé en fin de semaine. Je me dis, c'est pas vrai. Fuck, man. Mais là, pendant que j'étais assis au Mill Street, je regarde. Puis là, ils venaient de réouvrir. Ils disent, on est correct, on rouvre à soir. Je suis comme, all right. une heure et demie de marche. Non, je prends je prends Uber. Puis j'avais des moitiés prix, je sais pas pourquoi. Là. Fait que j'ai pris Uber, je me suis rendu là. Et ce sera mes prochaines photos. Donc, le Tilt, ici, l'entrée du Tilt. C'est un bar arcade, mais c'est un bar arcade. Ouais, j'ai déjà parlé, je pense, d'ailleurs, là, quand j'avais été à Toronto pour une formation pour la job. Là. Donc, c'est un bar qui a beaucoup de pinball, beaucoup d'arcade. C'est free play, tu payes 10$ pour rentrer. Ah, c'est pas cher. C'est pas cher pour la quantité de machines. Et j'ai fait deux bars d'arcade et j'ai joué à toutes les machines dans les deux bars. Je commence au début là, puis j'ai fait une après l'autre. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Même si je joue 30 secondes, j'essaye toutes. Ils ont des stations, fait qu'ils ont déjà des petits booths là, qui ont converti. Oui, il y a quoi là-dedans? Il y a différentes consoles. Fait que des fois, t'as du Smash sur GameCube, des fois, t'as du Genesis, t'as n'importe quoi. Là. C'est de l'émulation. Là. Non, il y avait des vraies consoles. Ah, des vraies consoles. Avec des vrais jeux. Là. Ok, ok. C'était quand même bien. Là. J'étais quand même content. Là. Tu vois, bon, l'œuvre de pinball est quand même grande. Là. Ah, c'est magnifique. Je suis content que t'aies pris des photos parce que je suis jamais allé et je trouve ça a l'air écœurant. Puis je vois juste des photos sur Internet. C'est très néon, par contre. Là. Ah, ouais. Moins mon style, mais c'est beau, ça, les marquees au-dessus. Ouais, il y a comme un coin en haut du bar avec plein de marquees allumés. Là. Fait que c'est des marquees qu'ils n'utilisent plus. Ça fait très beau en décoration. Ouais. T'as un gros mur avec le tableau final de Bowser en arrière. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Là. Bon, leur bar est. Il est fait en cassette. Il est fait en cassette en avant. S'il y en a qui écoutent juste audio, là, des fois, ça vaut la peine d'écouter le show. Ouais, celle-là, je me. En vidéo, il y a pas mal d'images. Puis ça, c'est très hot. Donc, c'est ça, je voulais savoir. C'était des vraies cassettes. Ouais, c'est des vraies cassettes, là. OK. C'est juste des fronts ou. Je sais pas s'il y a de quoi en arrière, là, parce que j'ai pas ouvert le panneau de plastique, là. Mais, bien sûr. Mais y a-tu des gros jeux là-dedans? J'essaie de voir. Pas bien, bien. Hein? Non, ça va l'air d'être beaucoup de fillers. Ah, ben, y a un Mega Man, là, par contre. Ça vaut quand même 100$, ça. Y a un Bayou Billy aussi, là. Ouais, ça vaut 10$. C'est un Simon's Quest en haut. Ah, ouais, peut-être un 20-25 pour ça. Bon, j'ai joué à cette magnifique pinball de Royal Rumble que j'avais jamais vu avant. C'est beau. Très le fun, c'est beau. Ça flash, c'est la lutte. Ah, ouais. Donc j'avais bien apprécié celle-là. Sinon ici World Series 99, j'ai un jeu de baseball dans lequel on contrôle le frappeur. Si tu peux voir en bas à gauche ici là. Ouais. C'est une petite crinque qui fait un genre de 180 degrés. Fait que c'est comme où est-ce que tu crinques ton bâton. Ok. Fait que si tu le fais juste au début, il va faire un bunt. Si tu le fais plus loin, il va faire un full swing. Puis quand ta balle elle arrive, tu le lâches. Fait qu'il revient comme sur lui-même. Fait que ça fait le feeling de frapper une balle. Fait que ça allait très bien, c'était le fun. J'avais jamais vu ça avant, cet arcade-là. C'est vraiment hot. Ça s'appelle World Series 99. Dream Ballpark, c'est écrit. Ouais. C'est un jeu de Sega. Ça, je connais pas ça. Oui. Smash TV, évidemment. C'est très difficile, Smash TV. C'est quand même rendu au premier boss, là, mais... C'est tout le temps ça. On se rend tout au premier boss, il prend 15 minutes à tuer, puis après, on se dit, je suis tanné. Good luck, you'll need it. Mais j'avais pas le choix, je l'ai vu. Bon, ben, je vais jouer à Smash. Ça, ce machine-là. Ça, c'est mon high score numéro 1 à Robotron. Oui. J'avais pas le choix de le mettre ici, fallait. Parfait, ça, aller le mettre chez les Ontariens. Les deux bars d'arcade, il y avait Robotron, et les deux fois, je me suis à côté, là, avec un gin tonic, parce que oui, j'étais en mode gin tonic et violence, là. C'est ça. Malheureusement, il y avait aucun Marble Madness, là, fait que ça, je me suis limité, mais ouais. Robotron, toujours plaisant. Et voici, il fallait qu'on en parle de ça. Ouais. Baby Pac-Man. J'ai déjà essayé ça. C'est tellement un jeu weird. Il n'était pas super bien entretenu. Là. Les sticks étaient un petit peu rough. Là, mais cette machine-là est tough d'entretien en tabarnak. Ça doit. C'est tout le temps pété. C'est une arcade et pinball ensemble. Ouais, pour ceux qui ne voient pas, là, donc, c'est comme si ce qui est devant le panneau normalement d'un pinball, ben, c'est le jeu de Pac-Man. Sauf que dans le bas, tu as deux tuyaux qui te permettent de descendre dans le panneau du bas, qui est une pinball carré. Ouais. Avec les coins arrondis, qui te permet d'aller activer des power-ups. Exact. Puis à un moment donné, si tu tombes dans le trou de la pinball, ben, tu vas remonter en haut, puis là, tes tuyaux vont se barrer. Fait que c'est ça, tu promènes de la vraie pinball à dans le jeu d'arcade. Genre, ta balle, elle descend de un à l'autre. Ah, exact, là. C'est un concept fort intéressant. Fort intéressant, très difficile, puis c'est ça, difficile à entretenir, comme tu dis. Puis j'avais jamais vu ça avant, là, fait par Bali. Of course. Of course, ouais. Donc, ça, c'était ma première... soirée en fait à Toronto, là, tranquille, là, parce que j'avais pas grand chose à faire. J'avais rien de prévu en fait, sauf les Blue Jays. Mon billet était acheté, c'était tout là, ce que j'avais. J'avais prévu une couple d'affaires, mais j'étais très lousse, mettons. Fait que là, le lendemain matin, elle me réveille dans mon hôtel princier là, de Vieux Moulin. Et je m'en vais ici, au musée du hockey, Dom. Le temple de la renommée du hockey. Le temple de la renommée du hockey. Et j'ai mis cette photo-là parce que on avait déjà parlé que c'était dans un centre d'achat. Là. Ben, c'est ça. Là. C'est vraiment on dirait que tu rentres dans un magasin et t'as acheté du gear de hockey, mais non, il y a la Coupe Stanley là-dedans. C'est tellement weird comment. C'est vraiment bizarre. Là. Moi, le temple de la renommée, je pensais que c'était un stand-alone immeuble, ouais, là, aussi, là, avec genre des pylônes grecs. tir puis des affaires. Non, non, Nasty. Tu bon, rentres là-dedans. Eh ouais. Bon, ils ont refait la chambre du Canadien d'antan, là, que tu peux aller visiter, tu peux voir les chandails de Maurice Richard puis tout ça, c'est très, très bien. Bon, évidemment, des chandails de Nordique. Les maudits Nordiques, les équipes déchues. Attends, allez là, je revenais là. Ils ont mis quelque chose, dans la plupart maintenant, des présentoirs, ils ont des codes QR. Fait que mettons, il y a des bâtons célèbres de genre. Ça, c'est le bâton que Gretzky a marqué le 900e, n'importe quoi, le 800e but. Mais là, tu scannes le code QR, ça t'ouvre YouTube, puis t'as une vidéo de ce que t'es en train de regarder. Là. OK. Fait que c'est très interactif. C'est hot, ça ajoute beaucoup. Ça là, montre le jeu. Si tu veux entendre du monde à Toronto parler en québécois aussi, va au Temple de la Renommée. Ce n'est que des Québécois qui parlent là. Ah, c'est là. Sûr. Y avait-tu une vitrine avec les exploits de Roger Vachon? Non, j'ai pas vu de ça, là. Oui, on regarde des diapos de vacances parce que ça a rapport avec le gaming. Ouais, on fait... Sauf celle-là, on fait un petit aparté au Temple de la Renommée, là. Bon, c'est la salle des trophées. Bon, pas juste vous montrer la coupe aussi. Puis je suis allé vérifier si... tout est en règle, eh bien oui, Lane Hudson est bien sur le corridor. Ça, c'est fait. Tout est en règle. Ouais. Des nouvelles sections, le coin des collectionneurs, des cartes de hockey très rares, là, des belles affaires de upper deck. Vraiment bien. Le hockey dans les films. Ah, c'est que c'est hot, ça. Et le hockey dans les jeux vidéo. C'est pour ça que je voulais montrer des images de ça. Donc, là, un beau présentoir. Un beau NHL 99 sur 64. Ouais, mais gars, j'ai une image un peu plus zoomée ici. Ah ouais. T'en as un sur Wii, le NHL Slapshot. T'as The VCR Hockey Game. Je sais pas trop c'est quoi. Hey, le Intellivision Model 3. Pas le 1, le Model 3. Je sais pas pourquoi ils ont mis un 3. Avec le Ice Hockey. Et puis, si vous saviez pas, l'Intellivision, c'est la première console à avoir eu les droits officiels de toutes les ligues de hockey, les ligues sportives professionnelles, pour mettre le logo de la NHL. Puis toutes les... Il n'y a pas de joueurs, là, tu sais. Mais les vrais logos, c'est... Ouais. Et non seulement ça. Toute la version, tous les jeux, le backgammon, le chess, c'est des vraies ligues de chess, aussi, qui ont ces boîtes. Chess! Fait qu'à la télévision, ils ont vraiment investi à l'époque pour avoir les vraies affaires. Là. NHL 2000, là, au PlayStation, puis donc Blades of Steel. Ah ouais. Il n'y a même pas ça, OK. Il y a Wayne Gretzky 3D Hockey en haut, par exemple. Ça, oui. Signé par Wayne Gretzky lui-même, quand même. Ouais, en plus, ouais. Il y a comme une Wii Mini en dessous avec fuck all des jeux de hockey weird. Faire de la, je sais pas. Il aurait dû appeler Retro MTL. On leur en aurait fourni une couple de plus. Ice Hockey, il est dans le NES. Ah, ouais. Ah, ouais. Puis à gauche, t'as le film de Maurice Richard là, dans le coin. Là. Ouais. Ils ont maintenant aussi une section avec les castes de goalers célèbres. Ça, j'ai capoté bien. Ça, là, c'est là. Beau, là. Check. Oups, tu peux, je vais revenir, là. Mais regarde comment c'est beau. T'as Grant Fjord sur l'écran, je capotais. Là. Ah, ouais. J'étais semi-croquant tout le long là-dedans, là. Mais ouais, plein de beaux castes, là. C'est très, très. C'est vraiment un beau musée pour vrai, là. Si vous êtes surtout un fan de hockey, là. Puis bon, il y avait une pinball vintage ici qu'on ne peut pas jouer malheureusement. Celle de Bobby Orr. Celle de Bobby Orr, oui. Elle est vraiment belle, là. Ah, je pense qu'elle est plate à mort, mais. Mais celle-là, c'est même tout ça que le playfield très, très plat, là. C'est... Oui. Il n'y a pas beaucoup d'action, là. Non, c'est ça, là. C'était une autre époque. À une époque où est-ce que tout était un peu plus lent. Ah, mais, c'est beau, là. Fait que là, c'est ça. Ça, c'était mon aventure le matin, là, le mardi, au musée de Temple de la Renommée. Là, puis ça, je marchais, puis j'étais comme. Et je cherchais, j'étais allé voir ANC, c'était fermé, il ouvrait chez midi, gang de paresseux, puis là, je vais déjeuner, j'étais allé manger dans un team, puis là, je me suis rappelé, tu disais, moi, quand il fait chaud, je bois du café. Chaud. Fait que là, je me suis fait un grand café Tim Hortons chaud. Oui. Puis il faisait à peu près 40 degrés dehors, puis je marchais par rendez-vous 3/4, j'étais, ah, c'est une mauvaise idée, ça, là. Je suis tellement. C'est une là. Bonne idée, c'est combattre le chaud par le chaud. Ben, c'est une bonne idée, parce que ça m'a craqué pour marcher jusqu'au temps de la randonnée. Le monde d'un pays chaud, ils font ça, là. Et après ça, j'allais dîner, puis il s'est mis à pleuvoir, puis je me suis dit, ah, ça est plate, ils m'ont fermé le toit pour les Jays, puis c'est. Mais aussi, je suis loin de mon hôtel, j'ai pas le goût de marcher, je prends Uber, je m'en vais à mon hôtel, je suis. Ah, un casino. Il y a un casino pas loin. J'étais off, fait que j'étais très proche du casino, j'étais comme à 20 minutes d'un casino. Fait que je suis allé au. Comment ça s'appelle le Great Canadian Casino Resort. C'est une image d'archive, c'est pas la mienne. Okay. Je suis rentré là, j'ai joué à genre 7 machines, j'ai perdu toutes mes affaires, puis je suis reparti. C'est pas très festif comme bâtisse. Non, c'est pas très festif. Il y a une petite. Ouais, c'est fait ça. Fait que j'avais genre une partie de mon budget pour cette fois-là, puis j'ai même été pigé dans mon budget d'après, puis j'étais très calme, fait que j'ai rien gagné. Puis là, je suis parti, je suis comme bon, mais. Demain, ce sera une très petite journée où, quand je vais aller à Niagara Falls de gambling, là, parce que j'ai plus d'argent quasiment déjà. Là. Fait qu'en tout cas, je suis revenu, puis là, j'ai mis mon jersey des Jays, et j'ai mis ma casquette des Jays, et je suis allé avec la populace dans le tramway. Avec la plèbe. La plèbe, voir une partie des Blue Jays pour une partie des Jays contre les Cubs. C'était les Looney Dogs Days, donc c'était les hot dogs à une pièce. Ah, c'est que c'est... J'en ai mangé trois. Ils ont fait un record de 79 000 hot dogs vendus. Donc, encore une fois, Mill Street qui commandite les Jays. Ouais. Cette bière ne valait pas 14$ plus taxes pour boire, mais... en argent job, canadien. Au moins, c'est en argent canadien, là, mais ça faisait la job quand même. Donc, j'ai mis une petite photo de mon point de vue où ce que j'étais. C'est très bien. Coupe de balle dans ma direction. J'ai vu Guerrero faire la split devant moi. C'était quand même bien. Là. Ils ont-tu gagné? Ils ont gagné 5-1. J'ai vu deux circuits. OK. Ça a été une bonne game quand même. Là. Et voilà, quand je suis parti. Pas eu de bataille? Non, pas eu de bataille. Les gradins se sont pas vidés. Là, rien de ça. C'est ça. Et ça, c'est les Jays. Là. Après ça, jour 3, je suis parti vers Niagara Falls. Faites beaucoup de voitures dans ce voyage-là, de déplacement. Ça a été beaucoup ça. Là. Qu'est-ce que c'est cheap, Niagara Falls? Ah ouais, je suis jamais allé. Man. Jamais allé? Non. C'est fucking loin. C'est loin. Je serais allé si c'était pas si loin. C'est loin et c'est très cheap. Pis, ouais. Si t'es pas un fan de genre de mini-pot intérieur ou de maison hantée, y a pas grand-chose à faire. Là. J'ai fait le tour. Y a un très gros Burger King. Ouais, puis tu sais, Great Canadian Midway, où il y a évidemment toutes les machines de tickets. Là, pis de... Ah ouais. La seule image que j'ai prise, c'était parce qu'il y avait le logo de Paris Cassette. Là, mais, ah ben là, oui, c'est vrai. T'avais un Space Invader, mais tu vois en arrière, c'est tout des... Le Yeti de Space Invader. C'est tout des cossins, là, genre de machines de tickets. J'aime pas ces places-là, man. J'ai fait le tour, j'ai rien joué. Je suis ressorti. Je suis allé dans un autre arcade. Mon frère m'avait dit, y a un autre arcade en haut, va voir. Je suis allé, je suis comme. Arc, il n'y a rien à jouer ici. C'est ça. Moi, je marche et je mange un cornet. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? J'étais tout seul. Je suis allé voir les chutes. Je suis allé voir les chutes. Ben, c'est une des merveilles du monde. Bon, oui, j'ai vu souvent, mais je n'allais pas pareil. Ah, OK. Mais je voulais juste changer d'air. Je me suis promené là beaucoup si j'ai regardé ça. Et là, je me promenais. Qu'est-ce que c'est quoi la prochaine photo? Ah oui, la tour ici. Et là, mon frère me dit, il y a un casino. Il y a deux casinos à Niagara. J'ai plus beaucoup d'argent. Fait que, je vais aller au casino. Je vais aller au casino ici, Casino Niagara. Vieux casino cheap, là, dégueulasse, là, qu'il n'y a quasiment rien dedans. Et je fais le tour et je trouve une machine que genre j'avais jamais vu ailleurs. Bon, ben je vais mettre mon argent qui me reste dedans, mon 40$. Toi, t'en as vu des machines. J'en ai vu beaucoup des machines. En tant que gambler professionnel. Mais non, je les ai vus sur le web, mettons, puis ils ont pas à Montréal, mettons. Okay. Mais là, je m'assis. Là, je fais une coupe de spin, puis genre, je vois des boules qui tombent avec de l'argent, puis je suis comme, hey, j'ai une faire genre 90$, nice. Je suis comme, non, c'est pas des cents, c'est des 2 cents. C'est genre 200$. Je suis comme, pardon? Je me lève et je cache short et je m'en vais. Je suis parti. Fait que j'ai fait tout mon argent que j'avais perdu la première journée ouais. Et du profit. Bon. Fait que là, j'avais 200$ dans les poches. Mon frère, il dit, il y a un autre casino. Je peux bien aller perdre un peu de profit. Peut-être qu'à avoir du fun. Là, je marche beaucoup trop longtemps, 2 km encore une fois. Fait que là, je suis allé au Falls View Casino and Hotel, je sais pas quoi. Là. Fait que ça, c'est un autre... Belle place. The Falls You. On n'est pas loin de Fuck You. De Fuck You. Là. Mais tu sais, genre, c'est direct en face de Buffalo. Puis l'autre bord, t'as genre casino qui flash aussi de l'autre côté States. Là. Ouais. Fait que là encore, je me promène là-dedans. Je fais le tour. Je suis comme, ah, c'est toutes des machines que je connais. Je vais jouer juste à une machine, puis je vais m'en aller. Comme ça, je perdrai pas trop d'argent. Et là, j'ai mis 20$. Puis j'ai fait 250. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. J'ai cash out et j'ai pris mon char et j'ai cassé mon camp avec 450$ dans les poches. Est-ce que c'est hot? C'est ça. On garde ça en tête, tout le monde. Je vous reviens avec des stats de gambling à la fin. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que sur beaucoup de machines, j'ai perdu. Sur deux, j'ai fait plus que mon profit au début. Fait que voilà. Puis le soir, j'avais pas de billets, mais j'étais allé au Real Sports Bar, le gros bar d'arcade. Pas d'arcade, mais le gros bar sportif parce que les immenses TV. Ouais, à côté du Temple de la Renommée. Temple de la Renommée. Puis où mais t'es parti de Toronto pour aller à Niagara Falls une journée. Puis je suis revenu. Genre, j'ai fait ça. Combien de temps ça va être? 1h50 à peu près à aller, 1h50 revenir. Ok. Ben, c'est quand même loin, là. Mais ouais, ce gros bar sportif-là, moi, je suis tombé là-dessus complètement par hasard. Il mouillait à Sio. J'étais avec ma famille, mes enfants étaient petits dans ce temps-là. Puis, comme, wow! Mon plus vieux qui aime le sport, on est comme, moi, j'ai capoté. Mais là, puis là, je suis rentré là, puis je le connais, je suis allé souvent, puis genre, il était tout en rénovation. Il y avait juste, genre, la partie d'en haut que tu vois là qui était ouverte, fait qu'il y avait comme 8 tables, puis le bar. Genre, je suis comme, calvaire. Genre, OK, ben, je m'assis là pareil, tu sais, je trouve mon spot, j'avais plein de belles affaires. Puis là, il me donne le menu, puis je regarde ça, puis je suis comme, là, il y a un spécial. Je suis riche. Je suis riche, oui, mais je ne l'ai pas le dépensé. Je savais que j'avais d'autres casinos à faire peut-être plus tard, mais. Et d'autres dépenses aussi que je te parlerai tantôt. Mais je regarde le menu, puis je suis comme, ah, une livre d'ailes de poulet, puis un schooner de bière pour genre 20$. Je suis comme, aucune idée c'est quoi ça, un schooner de bière. Fait que oui, donne-moi ça. Fait qu'ils me sont arrivés avec mon schooner de bière. C'est un schooner. C'est un litre, là. C'est une shop-in, dans le fond. Shop-in, oui. Je savais pas le mot en anglais, mais donc c'était une shop-in. Donc là, en ce moment, là, ce que tu vois, là, ma bière, le baseball, puis mes ailes qui sont pas à l'écran, J'étais tellement heureux, là. J'étais tout seul, j'avais la calice de paix, là. Puis t'es en plein milieu des vacances, j'ai pas de travail, j'ai pas rien en ce moment, je suis tout seul. Personne peut me rejoindre, là. Genre, je bois ma bière, j'écoute le baseball. Chris, c'est beau. Les Jays jouaient mal. Fait qu'à moitié, je suis comme... Tout va avoir un autre barcade que je peux aller me promener. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une autre place un petit peu plus loin qui était entre le chemin de ce bar-là et de mon hôtel qui s'appelle le Free Play. Donc, ouais. Je suis allé là. Si tu prends le streetcar, il y a une des stations vers le haut. Ils descendent juste en face quasiment de tout ça. Là, fait que tu peux prendre le tramway et te rendre là. C'est beaucoup moins gros que le Tilt. En largeur, tu vois, c'est pas très large, okay. Mais c'est très profond. Fait qu'il a quand même réussi à faire de quoi, puis c'est sur deux étages. Fait que c'est quand même très bien. J'ai bien aimé ça. Ça, avec ces free play, t'as pas à payer des jeux. T'as un cover de 5$, je pense, puis ils te donnent un petit sac de popcorn quand tu rentres. Calvaire, c'est pas cher. Les gin tonic aussi. Bon, ils ont 2-3 one-up. J'ai laissé passer parce que c'était pour faire du remplissage, je pense, de base. Ce que j'ai bien aimé, c'est que leurs arcades, puis leurs pinball, puis leurs jeux sont tous comme classés par thème. Fait que les jeux de sport sont dans un bar, les affaires de lutte sont ensemble. Fait que ça, c'était cool. Là. Okay. Donc, on voit ici, genre, section justement de lutte. Là, toute la lutte est là. Rumble, ouais. Toutes sortes d'affaires. Voilà. WrestleFest, la même pinball que tantôt. Un stand-up House of the Dead 2, man. Ouais. C'est quelque chose, ça, qu'on aurait tellement souhaité chez Arcade MTL. Là. On n'a jamais eu. Tu vois encore, ça, c'est tous les jeux de gun qu'il y a ici. Là. Puis après ça, voilà. Des Lethal Enforcer. Ouais. Le 1 et le 2. Oui. Avec des guns. C'est que c'est hot. La déco était belle, quand même. Encore une fois, très néon, mais j'apprécie quand même l'effort. Ça fait bar gaming, j'étais bien à l'aise là-dedans. Là. Tablette Ikea et petite lumière Amazon. Ouais, puis il y a des scènes Q-Bert sur le bord de la toilette. c'est cool. Là. Bon, Hit the Ice, évidemment. On a ça aussi chez Arcade MTL et Terminator 2 aussi. Ouais, des belles machines. Die Hard Arcade. Ouais, c'est nice. Qu'on voit pas souvent. On voit pas souvent ça. Et là, au Saturn. Ouais, vraiment. Et puis ça, c'est Dynamite Mecha, je pense, au Japon, que ça s'appelle. Donc, ils ont juste rebrandé ça, Die Hard, ici, en Amérique du Nord, mais ça n'a rien à voir, là. Mais en tout cas, ça ressemble. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas un jeu du film, c'est juste qu'ils ont repris. Okay. Non, exact, c'est l'appropriation. Open Ice, ici. Ouais, ça, c'est le NBA Jam du hockey. Ouais, exactement. Virtua Tennis, très bon jeu. OK. On va pas se faire plus récent, j'ai eu bien du plaisir avec, j'ai gagné, donc j'ai eu bien du fun. Street Fighter 3, je trouve on le voit pas souvent non plus celui-là en arcade là, Third Strike ici, c'est vraiment un bon jeu ça. Ouais, c'est bien du fun aussi à jouer à ça. Très très weird d'être chaud tout seul aussi là, pas weird mais j'étais comme... Moi je suis chaud tout seul tout le temps moi aussi là, mais j'étais chaud tout seul pas chez nous là. Ouais, c'est ça. Relief Pitcher, donc à l'inverse de tantôt là, c'est un jeu où tu vas lancer la balle puis tu peux voir genre le contrôle, c'est comme un... Ah, c'est quoi le jeu là, qu'il faut que tu pèses les boutons de couleur là, Simon. Un Simon là, genre, mais à trois côtés là. C'est vrai. Fait que là, tu peux choisir ton type de lancer. Un jeu d'Atari, ça, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. On voit le logo de là. Exact. Ça va être dans les dernières arcades qu'Atari a probablement, fait, ça, quand même. Là. Puis ça existe ça, au Super NES, me semble, Relief Pitcher. Puis ça doit être genre un jeu de Infogram, parce que Infogram a racheté Atari. Fait qu'ils ont peut-être mis ça sur les cassettes. Possible. C'est possible. Jamais il y a du monde dans le chat qui veulent checker ça. Ça, c'était hop. J'ai capoté. Ça s'appelle Jubeat. Donc, J-U-B-E-A-T. C'est un peu comme des affaires là, japonais de musique là, weird qu'on a. Mais ça, en ce moment, là, c'est une affaire à comme... C'est un 4x4. C'est un quadrillé de cases, ici, comme on voit. Fait que c'est de la musique. Puis, il faut que tu fasses... Tu tapes avec le rythme. Des fois, il faut que tu tiennes les pitons. Il faut que tu fasses des enchaînements. OK. La particularité, c'est que c'est bien des affaires japonais. Et tu peux jouer une track des tracks de Gradius dedans. Oui. Que j'ai fait. Et que j'ai eu bien du plaisir à ça. Là. Une bonne track de Gradius 2. Une bonne track de Gradius 2. Ouais, c'est que c'est random. Il n'y avait rien. Je connaissais dans toute la musique là-dedans. Mais c'était cool. J'avais jamais vu ça avant, cette machine-là. Donc, ouais. Et il y avait un cabinet custom de Cuphead. Qui risque que c'est dur Cuphead en arcade? C'est pas fait pour jouer en arcade. C'est pas pareil, hein? Non, c'est difficile. J'ai réussi à passer un boss, le premier, la patate qui devient une carotte, là, ou je sais pas quoi, là. Mais c'était très, très difficile. Mais je pense qu'il y a un des créateurs qui est de Toronto, fait que c'est peut-être pour ça, là, qu'ils ont ça, là. OK. Mais clairement, c'était le même, là, c'est en arrière, là. C'était un ordi, là, ou une console, mais c'était très bien, très, très bien. Donc, c'était mon voyage, et en revenant. Je m'en allais arrêter dans le coin d'Ottawa parce qu'il fallait que j'aille voir quelque chose à Ottawa, mais j'ai fait un détour à Gatineau chez l'excellent Laurent Nixon pour aller me chercher Une Street Fighter, un arcade one-up, parce que oui. Je vais finalement pouvoir faire mon deux-stick 8 Exact, ton 8 projet directions. D'arcade à 8 directions, après 6 boutons. Après qu'on a parlé sur le podcast, il est venu me parler sur Discord. Il me dit, moi, je suis prêt à vendre la mienne. Puis j'ai fait, ouais, celle-là est très, très belle. Tu sais, je la veux, oui, fait que je vais passer. Il m'a fait un détour de 3 heures, je pense. Là. mais non, ça valait la peine. J'étais allé, belle collection de Blu-ray, de DVD puis de jeux vidéo chez eux. Là. Okay. Wow, du beau stock. Puis en plus, tu l'as eu gratis, vu avec tout le... T'as payé ça avec ton Ben gravy. Ouais, ça dépend. Je peux pas dire que tout ce que je paye vient de ça, parce qu'il y a quelque chose... Il y a plus d'argent, là, mais... Non, mais... Mais oui, ça peut être... Il y a une bonne partie qui a été payée par l'argent de... L'argent des casinos de Niagara l'argent Falls. Des Niagaras. des Niagarins. Fait que ouais, je suis revenu, j'ai ramené ça chez nous. Puis quand je suis arrivé chez nous, Matt Bonin m'écrit, puis il est comme « Hey, check ça! » Puis les gens, ils m'envoient... La Capcom vs Marvel 2 Bleu, la nouvelle, genre. Ouais. À Longueuil, à 350, j'étais comme, eh, moins cher, qu'est-ce que je viens de payer? Ok, là, que je suis allé revirer à Gatineau à l'autre bout, là. Pour acheter une vieille affaire. Non, pour vrai, elle est super clean, puis elle marche très bien, là. Puis, c'est ça. Quand je suis revenu après ça, j'ai refait un autre petit arrêt. Je suis allé voir le tout nouveau Hard Rock Hotel and Casino à Ottawa. Eh, hey boy. Ouais, voir que ça avait l'air, le casino là-dedans. Toutes des machines 999. J'ai joué à une coupe d'affaires, j'ai tout perdu, je suis parti chez nous, j'étais en tabarnak. Non, pour vrai, c'était comme, c'était genre du profit que j'avais juste essayé de rejouer, là, parce que j'étais là, puis ça me tentait, là. J'étais juste écœuré de faire de la route à la fin, ça a été une longue journée, là, je pense que j'ai fait 12 heures de char, là, c'est... Ah, ouais. Donc, c'était mon périple, là. Donc, à Toronto. Gros 3 jours, où j'ai marché 45 km, j'ai juste des arcades. 12 heures de route, 45 km de marche. En 3 jours. Hey, puis je me suis rendu compte à la fin, j'ai comme, hey, j'ai tout marché ça, là, pas d'écouteurs, pas de musique, genre raw dog. Là, ah ouais, pour vrai? Ouais, rien? J'ai même pas réalisé que j'étais dans ma tête tout le long. Là, je me suis juste vidé la tête. Je voulais ne penser à rien sauf où c'est que je marche. Là. Ouais. J'ai passé dans tous les quartiers, quartier chinois, quartier italien, quartier genre, jamaïcain de Toronto. J'ai tout vu ça, c'était bien. J'étais un gars qui visite les villes. Moi, c'est là que je suis rendu. Ah, c'est hot, man. C'est le fun. C'était ça. C'est quand même... J'espère que ça n'a pas été trop emmerdant. Je voulais pas que ça allait justement, là, comme ça a dit dans le chat, là, qu'on regarde des diapos de vacances. Là. J'étais en mission pour le gaming. Excuse. Ouais, ben c'est bien parce que ça me fait voir les barcades de Toronto que je n'ai pas pu voir à l'époque parce que mes enfants étaient avec moi, en fait. Ce sont des enfants. Ouais. J'avais jamais vécu le nightlife de ces places-là. Ouais, puis le nightlife, là, c'est... C'est rien là comparé ici au Québec là. C'est du nightlife ontarien là. C'est de la nightlife plate. Ouais, c'est ça exact là. Mais là, JF, t'as plein d'affaires encore là. Moi, ouais, je take over le show. Oui, moi j'ai pas de critique, puis j'ai pas de collection. Et puis après, il y aura les questions du public. Mais entre-temps, toi, tu as de la collection. J'ai de la collection, fait qu'on et va aller. Une critique. Exact, fait qu'on va aller en collection. Clairement, Castlevania sur ZX Spectrum. C'est une affaire qu'on n'a pas eu ici. C'est une machine japonaise. Fait que je viens de parler que j'avais été chercher une arcade one-up, donc je vais la présenter ici, qui rentre dans ma collection d'arcades chez nous, donc la Street Fighter. Voici. Street Fighter Capcom Legacy Edition. Très belle machine, jaune, là. C'est 6 boutons pour chaque, il y a 2 contrôleurs. Elle est super belle, super clean. L'écran est très très beau. J'adore le artwork de la marquise aussi là. Oui, c'est old school là, Capcom classique là. Très beau. On peut le voir ici là. Donc ça c'est les jeux qui sont présentement dedans. Que t'as mis? Non, qui sont les jeux d'arcade one-up de standard. Ah ouais, il y a 1944 ouais. Strider. Okay, ouais, okay. T'as Commando est là. T'as comme Final Fight. Puis 12 versions de Street Fighter 2. Là. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais 1944, c'est à peu près c'est le seul que j'ai joué à la date dessus, celle-là, parce que je vais la hacker. Là. J'ai tout reçu mes pièces, sauf le connecteur de l'écran qui était perdu dans le mal. Puis je recommande un autre, puis que je dis à Amazon, hey, what the fuck. Là. Ouais. Je pensais le faire en fait une passée, puis j'ai pas eu le temps. Là. Fait que, dès que je le reçois, je hack ça, fait que ça va devenir ma nouvelle machine. Puis c'est pas un mini PC que j'ai dedans, c'est un laptop sur lequel je faisais du montage vidéo avant. Fait qu'il est fort. Okay. Fait que je peux rouler Dragon Ball Fighter Z là, jusqu'à là. Ok. Fait que tu vas venir chez nous, Dom, là. On va s'acheter un petit gâteau Vachon. Là. Puis on va servir du whisky japonais. Puis on va jouer à des shmups de Steam ensemble là-dessus. Ben, on va faire ça, mon gars. Ça promet d'être très sucré et très. Sucré. Donc la voici de côté. Ah ouais, un beau Ryu, là, un classique. Beau Ryu. Un Ryu quand il était au cégep. Ouais, exact. J'ai vu qu'il y avait Ghosts and Goblins aussi. Ouais, ouais, exactement. Qui est très difficile ça aussi. Là. Faudrait que je les joue à l'arcade, ces jeux-là. Je voulais jouer au McFly, puis la machine était pétée. J'avais commencé un peu avec Kevin Boily, et puis on était trop scrap, là. Ouais, mais on s'enlignait, là. On s'est dit, Chris, Kev, on est en train de vivre quelque chose. On est en train de se dire qu'on va le faire, ce jeu-là. On finit toujours mais trop était... scrap avec Kev. Non, mais on était déjà fucking scrap. Ah, il était minuit et quart. La moitié du monde était parti. Nous autres, on commençait. On se dit, Chris, je pense qu'on est capable de le battre. Mais ça sera... faudra se reprendre. Fait que ça, c'est ma quatrième arcade one-up donc, qui rentre chez nous après la Centipede, la Golden Tee qui est hackée, évidemment. La Pac-Man qui devient mon arcade dédié, jeux verticaux 4 directions. Ouais, ouais, ouais. Vraiment les vieux jeux classiques. Oui. Et celle-là qui va être maintenant pour jouer à deux. Si j'avais plus de place, je prendrais genre la Turtle à 4 pour au moins jouer à 4. Parce qu'on pourrait jouer à. C'est genre, vrai. On pourrait jouer à Gauntlet. Oui, ou on pourrait jouer aussi à Smash TV à deux avec deux joysticks chaque. C'est vrai. Comme là, je me mets à Robotron puis je joue à Robotron jusqu'à temps que je le finisse. Là, c'est, genre, c'est sûr. Là. Ah, c'est, ouais. Bonne chance. Ouais, oui. Là, je vais en vivre des beaux rêves. Là. Mais tu pourrais jouer à Smash TV tout seul. Oui, oui, aussi, c'est aussi. Ça. Là, pour l'instant, mais là, j'étais comme, on pourrait jouer à deux ou à quatre. Mais il n'y a jamais personne qui vient chez nous. Anyway, là, donc, c'est ma quatrième. Puis là, j'étais en vacances. Puis là, encore une fois, l'excellent Matt, à chaque fois qu'il m'écrit, ça me coûte 300$, là, ce gars-là. Mais il me dit, il dit, il y a un autre que tu checkais qui est disponible. Le gars, il l'avait vendu, mais finalement, l'acheteur n'est pas venu. Fait que, fais une offre. Je suis comme, rien de dépenser de l'argent. Je vais vraiment faire une offre sur ça. Puis là, j'ai fait une offre sur ça. Donc, je te présente, Dom, la Wheel of Fortune Casino Cade. Tu t'as acheté ça? Qui est fait ça? C'est incroyable, pour vrai. Là. qui a fait son entrée chez nous. Pas bon pour ton gambling, ça. Ben, c'est bon pour mon gambling. C'est bon pour le contrôler chez vous. Je reste chez nous puis je joue à ça, là. Mais oui, c'est pas un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo. C'est des jeux de gambling et de jeux de cartes, d'arcade. C'est du gambling, dans le fond. Combien t'as payé ça? 300, je pense. Ah ouais, OK. Elle vaut 700, là. Puis elle était clean. Tu sais, la fin, c'est que l'écran en haut, c'est un deux écrans. C'est un écran à touch, là. Ouais. Dans le bas. Dans le haut, c'est un autre écran qui est fatigué. Il faudrait que je le remplace, là. OK. Qui a déjà pareil encore, là. Mais c'est vraiment le fun, pour vrai. Là. Ils ont trouvé une bonne twist pour gamifier du gaming, du gambling, sans que ça le soit non plus. Là. C'est que t'as des jeux genre comme ceux-là de machine à sous. Ils donnent de l'argent, mais tu fais des session points, puis tes session points te permettent de débarrer d'autres jeux en dessous là, de casino. Là. Okay. À chaque jour, t'as la roue de la journée, puis là, tu peux revenir, puis tu peux aller genre faire des bonus. Puis c'est cool. Là. C'est stupide, mais ça marche au bout. Là. C'est vraiment drôle. Là, genre. Donc, on la voit de côté ici. Donc, OK, c'est tout mince. C'est tout mince, puis c'est réglé. Ben oui. Moi, là, j'étais dans ces vacances-là, j'étais en mode, on règle des dossiers, puis celle-là, ben, il est réglé. Ouais. Il était pas encore arrivé sur ton bureau, mais crime, quand il va arriver, il va déjà être réglé. Non, mais j'y pensais, je la regardais, puis j'étais comme, ça a l'air stupide, ça a l'air le fun en même temps, puis c'est genre mon genre de patente un peu, puis mon père, il vient chez nous prendre une bière, il va jouer à ça. Pis, mais pour vrai. Je l'ouvre tout le temps, puis je suis comme, un petit peu. Là. Ah ouais, hein? Il y a un jeu de Wheel of Fortune, là, qu'il faut, genre, faut que tu guesses les mots en haut, puis tout, là. Fait que c'est quand même drôle, là. Ok. C'est le fun. C'était une belle petite machine. On va essayer ça aussi. Je me suis rendu dans une. Quelle transaction weird. J'arrive là, je suis comme, centre de sclérose en plaque, là. Je suis comme. Je suis à la bonne place. Là, mon Messenger ouvrait plus, fait que j'avais plus accès aux infos. Je savais plus ce qu'il fallait que j'aille. Je suis comme, bon, ça va bien, là. J'ai réussi à ouvrir ça, je montre un gars en chaise roulante. J'ai voulu que j'amène ça genre tout seul à bras. Là. C'était bizarre là. Genre. Puis il y avait genre tout était débarré, là. Tous les jeux complets. Là. La madame qui reste là avec ce gars-là, genre, a l'air d'avoir runné la machine. Hey, clean. Mais genre quelqu'un l'a joué beaucoup là. Fait que moi j'ai fait un factory reset au moins pour avoir du fun de débarrer d'autres jeux là. Ça va te prendre J.E. J.E. Un pachinko. Une pachinko, ça serait nice, là, quand ça même. Ça serait malade. Ça serait vraiment beau, là. Faudrait pas que je tombe là-dedans, là. Je commence à penser à tomber là-dedans. Là. Tomber là-dedans, un vrai ouais. Pachinko de Castlevania, là, ou quelque chose, là. J'avoue. De Konami, là. C'est-tu que ça le ferait? J'avoue, j'ai même pas pensé à ça. Ben oui. Pense à ça. Pense à des faudrait affaires. Faudrait que je pense à ça, ouais. Et là, on va revenir ici. Samedi, qui vient de passer, donc c'est la fin de mes vacances, et j'ai été avec les excellents Illy et Matt Bonin jouer... Faire des escape rooms et manger au resto et jouer au pinball comme d'habitude. On fait ça au 6 mois peut-être. Avec le monde de la job, là, on se ramasse au North Star puis on boit des pintes et des gin tonic et on est chaud à jouer à des arcades de pinball. Et là, vers, je sais pas, minuit et demi, une heure, je m'en vais avec Matt en métro. Puis là, genre, on est en métro. Puis là, non, nos chemins se séparent à Berry-UQAM. Là, je m'en vais sur la ligne jaune pour m'en aller vers mon char à... Ça ligne jaune, justement, là, à Longueuil. Ouais, ton char, alors que t'es en état d'ébriété. Non. On se met chaud. J'ai deux stations de métro à faire, puis je suis correct. Puis je prends mon char. Non, j'étais pas si chaud que ça pour vrai. Mais j'étais dans le métro et j'avais mon téléphone dans les mains. Je regardais, puis j'étais comme... On règle des dossiers, ça suffit, là. Donc, ce soir, Dom, on va faire un unboxing ensemble. Oh. De... Oh my god! La Atari 7800 plus. C'est fait. Un autre dossier de régler, mon gars. T'étais chaud dans le transport en commun et t'as réglé ce dossier-là. Le temps que ce soit réglé, j'étais plus chaud puis j'étais dans mon auto. Ben oui. Bizarrement. Fait que là, tu veux l'ouvrir ou on quoi? On peut l'ouvrir. On peut ouvrir ça si tu veux. Ça me prend-tu un exacto? Je sais pas, on peut souvent ouvrir ça avec nos doigts, là. Ah ouais. Hey, mesdames, on vit des choses, mesdames et messieurs. On va venir sur la cam comme ça, là. Mon raisonnement de gars un peu en boisson, c'était que. Moi, j'aime ça jouer à des affaires qui ont des contrôles spéciaux. Puis là-dedans, je pourrais avoir genre, les paddles puis ces genres de choses-là. Là. Hey, on rush vraiment. Ah, tu l'as eu? Ouais. OK. Je me suis coupé les ongles hein, cette semaine. J'ai plus rien. Plus rien. C'est le même format de boîte que la 2600 Plus, ouais. En passant. Comme fait sur le long. Et puis, vous pouvez voir aussi un petit logo. Un petit logo ici. Attends, pour venir en deux. Tiens. Ce petit logo ici, avec le logo d'Atari et un plus pour les plateformes plus de Atari. Alors, il y a deux plateformes plus, la 2600 ouais. Et la 7008 plus. Et puis, à quand la 5002? Les nouveaux contrôleurs qui sortent, là, je peux les acheter? Là, genre, puis... Ah, tu peux tout brancher là-dessus. Ouais. Là. Ah, il y a un petit collant. Ça prendrait un exacto. Ah, ben attends, je reviens. Alors voilà, je vous présente cette belle boîte en agadome. Ça va chercher un exacto. C'est la 7800, donc ce n'est pas le modèle wood grain, là... Robotron 7800, c'est nice, Krim, j'avoue que c'est une très bonne idée ça, Simon, Food Fight aussi, puis j'ai rien du tout moi présentement d'Atari, donc ça va me donner une très bonne raison de démagasiner chez RetroMTL, le seul jeu que j'ai donc en ce moment, ça va être celui-là, Crystal Quest, avec la manette avec les qu'il faut jouer avec des pattes de griffe là. Oui, comme on a joué au web, puis on a parlé ici en masse. Ouais, exact. Là. Mais je vais m'acheter un set de paddles, puis je vais m'acheter le joystick aussi. Là. Moi, je me suis acheté un set de paddles neuf. Là. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais le présenter sur ma page Facebook, et puis... C'est ça que je vais faire, là. Hey, regardez ça, comment c'est beau, mesdames et messieurs. Hein? T'achètes une... Ouais, Food Fight, Robotron 7008 est excellent. C'est pas un univers que je connais beaucoup, en plus, Atari. Fait que je vais être mon épicurien du Atari là-dedans, là. Puis là, regardez ça, c'est comme acheter une PS5. Ils ont compris, là. Tu déballes ça, là, puis c'est du premium shit, là. Elle était pas chère, en plus. C'était genre 115$, là. Ben oui, avec le shipping, tout ça, ouais. Amazon, ça revient même pas à 200$. Ah, ça revient même pas à 150, là. Ça m'a coûté genre 130$, à peu près, ça. Encore, acheter avec de l'argent du gambling, là, c'est... Ben, j'ai pas dit quand je suis revenu aussi, je suis allé au casino, 40$, et j'ai fait 240$. Il y a plus de départ arrêtant. Hein? Ouais, ben c'est ça. Mais là, faut que j'arrête parce que c'est stupide. Ça va s'arrêter, ça. Mais on va essayer de pas renverser les bières. Ah, OK. Alors, si vous savez pas, ça, c'est exactement fait comme ça, une console... La chose du vice. Une console Atari 7800, donc avec un petit... c'est fait de même, là. C'est comme une façade avec un petit pied. Ouais. Et puis, pas de protecteur pour la cassette, pour cacher la poussière, rien. Les boutons, c'est vraiment une réplique, là, un pour un. Moi, j'en ai une, et puis je peux vous dire que c'est exactement la même chose. Il n'y avait juste pas d'HDMI en arrière, là. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est très, très, très beau. T'as des instructions de ton jeu... D'ailleurs, je ressors toute ma collection de gaming. Là. J'ai enlevé... Tu sais, chez nous, j'ai un mur avec mes manettes et mes casques VR. Là. Oui. Il y a un rack à casque VR qui a pété. J'ai tout enlevé et j'ai mis une belée. Hey, belée! Belée! Une très haute belée là, en bois là, qui fit avec mon bureau. Je vais tout remettre ma belle collection là-dedans. Comment, ah, comment tu vas sortir ça du garde-robe. Comment t'es évent, tes sandwichs que ta femme a fait? Ouais, je ressors tout ça. Là. C'est il est temps, là. Tiens, on va ouvrir cette... Faut que mon gars apprenne la vie maintenant, là. Fait que cassette de NES partout, là. Ah, wow. Et voilà. Donc là, on les voit ici, les boutons très, très espacés, là. Oui, exact. Donc, il faut faire comme une griffe, là, pour jouer comme ça, là. Ta-ta-ta-ta-ta. Parce que tu peux pas pogner le turbo avec ton pouce. Exactement, exactement. Moi, d'avoir un très long pouce, peut-être, là. Puis là, t'as pas de manette avec ça? Ah oui, ben oui, celle-là. T'as celle-là, mais t'as pas d'autres manettes. Puis non, il y a rien d'autre qui vient avec. Est également wireless. Je pense que oui, ouais. Donc, cette manette-là, ah ben je te laisse faire. Cette manette-là était sortie. Ah oui, on voit les dongles. Elle était sortie en... Je sais même pas si elle est sortie en Amérique du Nord, cette planète-là, ou c'était seulement en Europe. Ah, tu peux viser un stick dessus? Okay. Oui, tu peux visser le stick dessus pour donner un petit grip de plus. Fait que voilà. C'est plate, t'as pas la boîte du jeu, par contre. T'as bien raison. T'as la petite livre du jeu, puis t'as le livret, mais t'as pas la boîte dans la boîte. Ouais. Mais, très déçu. Ouais. Ouais. Ben, écoute donc, c'est pas grave. Crisse-moi tout ça au vidange. Ouais, me brûler ça en revenant chez nous. Je jouerai jamais avec ça. Mais non, j'étais bien content de commander ça pour elle. Mm. C'était sur mon radar depuis très longtemps, là, comme on le sait. Puis en plus, si tu commandes un paddle, un kit de paddle, il y a une version qui vient avec des jeux de paddle aussi. Ah ouais. Fait que déjà là, ça te fera un petit peu de jeux de plus. Ouais, parce qu'ils sont chers, là. Les reprints sont genre 45$, là, des jeux de Atari sur Amazon en ce moment. Là. Ah ben, des jeux neufs d'Atari, ouais. Mais tu sais, il y en a, c'est des variations de vieux jeux. Mais tu sais, des vieux jeux Atari, l'eau, ça doit rien tout coûter, là. Des tonnes. Ben, c'est ça, je vais venir magasiner, là. C'est ça. Puis j'ai une coupe, là. Exact. Puis elle est rétro-compatible. À 2600, bien sûr. Mais la 2600 Plus joue aussi les jeux de 7008. Ouais. La vraie, elle fait pas ça. Mais série pour vrai, plus... je l'ai pris pour le prix. J'étais comme 115$. Oui, là, à ce prix-là. Là. Ouais, 200, j'étais comme, j'aurais hésité, puis je l'aurais pris quand même. Mais à ce prix-là, genre, go, j'ai là. Quasiment envie de m'en prendre une, moi aussi. C'est magnifique. Ça va aller sur ma nouvelle étagère belée. Exact. C'est tellement pas cher, pour vrai. Puis si c'était pas que j'avais pris la 2600 qui fait exactement la même job, je pense que je m'en achèterais un. Mais bon. Ben écoute, félicitations. Ben merci beaucoup. Il y a une flashcard qui existe qui fonctionne pas pour tout. Tu peux mettre un jeu à la fois, c'est une flashcard. C'est ça le problème. Une. Les flashcards marchent pas sur ces machines-là. Mais ils marchent, si tu mets un jeu seulement. Exact. Fait que peut-être d'en prendre une pareille pour les homebrew, les jeux plus rares, genre juste pour jouer avec un peu, là, mais... C'est vrai. Mais sinon, je vais aller tout explorer ça, là, plaque attaque, là, puis ces affaires-là, là. Absolument. Tout ce que t'as parlé pendant 12 ans, 13 ans, j'aime ça. Ah, cool, je vais le jouer, enfin, je vais le vivre. Ben là, je veux pas trop... J'espère que je l'ai pas sur... Ben non, Oversell. Là, ça reste un Atari 7800, ça reste... là. C'est quand même, là. Exact. Ah ben, félicitations Jean-François. Donc voilà, c'est réglé ce dossier. Ça s'en va dans la collection. Ouais, on va refaire le packaging après, là. Tout ça résonne les vedans. Je vais remontrer le derrière de la boîte aux gens parce qu'on l'a pas fait. Alors, ça a l'air de ça. Simple de même. Get your wireless pixel D-pad, fix, ouais. Like it's 1986. C'est fou que cette affaire-là soit sortie en 1986. C'est débile. La NES était sortie, là, tu sais, comme ça roulait, là, puis Atari, ils ont sorti ça, puis ils ont crashé. J'imagine. Ça a tellement fucking pas marché, trop tard, man, c'était vraiment une déception. Il y a juste les personnes comme ma blonde qui ont été très tristes à Noël, où est-ce que les parents, au lieu d'acheter un Nintendo, ils ont acheté une 7008, parce que, tu sais, why not, c'est moins cher, ça doit être pareil. Mais c'est une belle librairie, la 7008. Ouais, ben ça, pis genre, je donne accès à une belle librairie de jeux. Je sais pas à quel point ça coûte cher faire un full set d'Atari, là, mais... Ah, c'est impossible. C'est impossible? De 2006, il y a des jeux trop rares, là. Ah, ouais. Ah, c'est ça. Mais bon, je vais pas me faire parer une belle collection. J'avais 3 ans, moi. King Nadera qui dit j'avais 1 an. Blastman, tu auras beaucoup de plaisir avec tous tes achats. Ben des achats de gaming, là, dans les quelques derniers jours, là, semaines, là. Mon plus bel achat, la Casino King. J'ai beaucoup de plaisir avec ça, pour vrai. Il est hier venu chez nous pour nous jouer avec. On était comme, ceci est très le fun. Juste pour jouer, puis genre, un peu du niaisage. Là. Ah, c'est clair. Master Crystal Zoom Quest. Dans le chat qui demande si Crystal Quest est un bon jeu. C'est un très bon jeu. C'est un remake. Ils ont utilisé des props du Crystal Castle, jeu d'Atari, d'arcade. Le petit ourson. Qui joue avec une trackball. Et puis, qui joue avec une trackball. Et puis, ils ont tout changé ça pour faire un Adventure Island. Donc, c'est le petit ours dans un jeu à la Adventure Island. Très bien fait pour l'Atari 7800 quand même. On a déjà parlé dans un épisode précédent, on a joué à ça au WEG. En plein milieu de l'après-midi, avec une coupe de bière dans le nez. C'est ça, le WEG. On était tellement heureux. Sur ma grosse TV 56 pouces à 4 pieds devant nous autres. Puis, direct à côté, il y avait une PlayStation 5 Anniversary Edition, puis deux autres PlayStation 5. Là, Chris, il y avait du... Mais fuck those. Fuck tout ça. On joue à ça tout le temps. On joue au 7008. Ouais, donc voilà. Je ferai des critiques d'Atari si ça donne. Ben, tu devrais. On devrait... Si je détaille des affaires que t'as pas déjà parlé. Mais non, il y a plein de jeux. J'en ai pas fait tant que ça, des critiques Atari à Rétro Nouveau, Overtime. Là. J'en ai fait, là, mais pas follement, parce que c'est un peu... Stream, cette année on fait un pre-show, on pourrait streamer ça. Ouais, tout ça est merveilleux. Tout ça peut. Tout ça peut. Je vais aller me pogner un autre bière. Puis là, toi, t'as une critique en plus. Ouais, fait que peut-être la prochaine fois, ça sera Chanté. Mais j'ai pas mis assez de temps. Elle est presque finie, ouais. J'en vois. Ouais. Fait qu'on va aller en critique, mais avant d'aller en critique, intermède musical. Ce soir, la critique, c'est une critique spectaculaire d'homme. C'est un grand jeu. Ah, n'importe quoi. Et des fois, je me dis que je suis privilégié de faire des critiques de jeux. Là. Quand je reçois des codes comme celui que tu m'as envoyé, c'était une de ces fois-là. Oui, on a reçu un code de nos amis de chez... Embracer. Embracer. C'est pas Embracer, asti. On dit tant ça, c'est pas ça. Ben, c'est une compagnie de Embracer. Attends un peu. Embracer, la compagnie parapluie. Ont acheté Limited Run, puis ont acheté plein d'affaires. Okay. Puis ont acheté Overload. Overload, OK. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'excellente Poppy. Elle s'appelle Poppy Byron, la personne sur Overload qui envoie des codes. Mais non, ça. C'est vraiment drôle. Fait que là, il envoie des... À toutes les semaines, quasiment, il m'envoie des communiqués. « Hey, tel jeu, voulez-vous un code? » On n'est pas spécial en passant. Là. Il colle ça at large. Puis des fois, je réponds « Oui ». Puis « Envoyez-nous quelque chose ». Puis là, ça prend deux semaines. T'sais. Puis là, je relance. Ouais, puis ça finit par venir. Et puis, voilà. Puis là, c'est venu. C'est venu très rapidement. Puis moi aussi, d'ailleurs. Oui, toi aussi, quand t'as joué à ça. Ouais. Et puis, je te l'ai laissé parce que c'était Steam seulement. Puis moi, je joue pas sur Steam. Sinon, tu l'aurais probablement appris, j'imagine. Ouais, ben, je peux te le laisser aussi. Là. On aurait pu le faire à deux, celui-là. Ouais. On serait payé, donc. Ben, je vais me l'acheter de toute façon. Ouais, mais la version physique est pas sortie encore. Non, pas encore. Ben, bon. J'en parlerai après, là, mais des versions. Mais vas-y, vas-y. Donc, ce soir, on vous parle du jeu Earthion, développé par Ancient et Bit. Ah, vous avez tous manqué ça à l'écran. Dom a renversé sa bière partout en début de critique comme ça. Tu peux prendre les essuie-tous rétro-nouveaux qui restent. Ça, c'est vraiment ces essuie-tous, ils servent juste à ramasser les petits dégâts de Nibrou qu'on fait à chaque... Les gars, ça va pas boire, là. Donc, on repart ça. Donc, Earthion, développé par Ancient et Bitwave Games, publié par Limited Runs Games, disponible sur PC présentement via Steam et va être disponible en septembre ou en octobre, je crois, sur Switch, PS4, PS5 et Xbox. Et en 2026, sur la Sega Genesis ou sur la Mega Drive pour nos amis français. Exactement. Une vraie cassette de vraie Genesis, là. Ouais, ça, exact. C'est malade. Puis il y a déjà des ROMs de sortie sur le web. Fait que, genre, si vous êtes un pirate de jeu, vous pouvez mettre cette version Mega Drive sur votre analogue pocket. Ouais. Et ça roule très bien. C'est assez fantastique, d'ailleurs, là. Mais soyez pas des pirates, puis encouragez ces gens-là fait un gros effort. Oui, oui, puis c'est des gens légendaires qui ont travaillé là-dessus. Donc, on va parler de ce beau monde-là avant de commencer la critique d'homme. Limited Run Games, donc, on les connaît, ces gens-là. Bitwaves Games, donc, c'est la compagnie qui ont travaillé notamment sur la collection de Toplan de Shmup. Ah ouais. C'était eux autres qui avaient fait ça. Ils ont travaillé sur aussi Gimmick 2. C'est pour ça qu'on a eu le code, en fait. Exact. Parce que, Bitwave appartient à... aussi sûrement à Embracer. Ouais, puis Ancient Corporation, donc c'est la compagnie de Yuzo Koshiro et de sa mère, donc qui ont fondé. Ils ont fait... Sa mère? Il est avec sa mère, genre, il est là-dedans. Là. Donc Simon Lahaye qui dit dans le chat, Yuzo fucking Koshiro, c'est tout à fait damn fucking right. Yuzo Koshiro, une légende de la musique du jeu vidéo. On lui doit à ce gars-là, genre Street of Rage 2, puis des soundtracks incroyables. ActRaiser aussi, c'est lui. Oui. Là, puis, Ah, il y en a fait. Revenge of Shinobi, là. Donc il a fait une soundtrack puissante dans ce jeu-là. Puis il y a aussi Makoto Wada là-dedans qui a travaillé comme concepteur artistique. Lui il a travaillé sur genre Star Tropic, des petits jeux là, comme Smash Bros, Pikmin, Punch-Out à Wii, Mario Kart DS, Pokémon Stadium, tu sais, des petits jeux. Des là. Petits jeux là. Fait que c'est une équipe de All-Star qui a travaillé là-dessus et ça paraît en maudit là, parce que ce jeu-là est incroyable. Donc, c'est un shmup. Je vais me mettre en full screen. Voilà. Ah. Donc, c'est un shmup 16 bits à défilement horizontal. Tu veux la transition pareil? Oui, cette transition-là, t'es insane. C'est du 16 bits, genre de côté 2D, mais il y a des transitions 3D complètement folles là-dedans là, qui rajoutent beaucoup. Donc là-dedans, c'est ça, on est dans un vaisseau et on doit aller tirer des affaires. Tirer des vaisseaux, là, c'est ça. Là. C'est la pure définition d'un schmop horizontal. Exact. Puis c'est... Bon, on va partir en commençant en disant que ce n'est pas un bullet hell, mais ça le devient par l'environnement puis la quantité d'ennemis à l'écran. À un moment donné, c'est... tu viens beaucoup overwhelmed par tout ce que tu vois à l'écran des fois. Là, ça vient très noisy, très bruyant. Là. Okay. Mais c'est pas les balles. T'as pas 8000 balles à la fois. Non, c'est pas ce genre. Sauf c'est pas un jeu de cave. Là. Non, c'est ça. C'est pas à ce niveau-là. Mais quand même, c'est pas un jeu qui est facile. C'est pas un jeu qui est difficile non plus. C'est un jeu qui va se maîtriser. Oui, ça va rouler sur un Sega Genesis King Nadera. Donc, parce que les gens ils ont souvent tendance à dire que tout est un bullet hell dès que c'est un shmup, mais c'est pas du tout le vrai. Là. Un bullet c'est hell, pas ça, un bullet hell. C'est vraiment, il y a des vrais, bullet hell, vraiment des balles. Dodon Patchy, Batsugun, ces jeux-là, tu wipes l'écran de balles au complet. Exactement. Les ennemis et toi aussi. Mais en fait, c'est beaucoup toi qui wipes l'écran avec des balles dans des bullet hell, je trouve. Là. Aussi. Là-dedans, c'est des tirs de précis, là. C'est pas 1000 balles là, à la fois. Bon, donc, des films horizontales. On commence avec 3 vies à la base. Ouais. Et on a 3 crédits pour continuer, sinon on revient au début du jeu. Donc, 3 vies dans le même niveau. Puis après ça, tu as des continue pour revenir. Il y a des mid-boss à chaque tableau. Il y a 8 levels dans ce jeu-là. Okay. Puis il y a un gros boss final à la fin de chaque niveau. Okay. Donc voilà. On tire en continu et on peut avoir à la base 2 power-ups. On peut aller jusqu'à 3 power-ups. Parce qu'en fait, là, il y a des. Quand on va voir en haut, là, il y a les slots pour. Ouais. Shot, c'est le nombre de fois que tu peux te faire tirer. Shield, c'est ton bouclier. Et t'as l'autre base, t'as tes power-ups en fait. Puis ça donne total, ça donne 7 slots. Donc tu peux avoir 3-3. Puis la dernière, tu peux choisir si tu as de l'énergie de plus et des shields de plus ou c'est un power-up de plus que je vais avoir. Ok. Parce que quand tu finis les tableaux dans les power-ups, tu peux ramasser à la fin du tableau une affaire qui s'appelle un. C'est quoi le nom? Ouais, j'ai écouté la critique de GameSack. C'est que c'est ça, quand tu ramasses. Adaptation Pod, ça s'appelle. Puis ça, si tu le ramasses à la fin du niveau, il y en a un dans le tableau, puis tu le gardes, puis tu bats le boss. Là, tu vas tomber dans une place entre les deux niveaux où est-ce que tu peux aller faire des upgrades à ton vaisseau. Ouais. Fait que tu peux aller y mettre plus de vie, tu peux augmenter genre les niveaux de tes balles. Fait que tu peux te rendre jusqu'au level 10, mettons, pour tes power-ups. Fait que plus t'es puissant, mais plus tes power-ups vont faire du dommage. Ouais. Voilà. Donc, ouais, ben, tu... Attends, redis-moi, les shots en haut... En haut, là, présentement... C'est un shield. T'as shield. Shield, c'est genre ta dernière défense, mettons. Okay. Shot, c'est le quand nombre de coups. Quand tu ramasses des affaires vertes, OK, ça booste la force de tes shots. Allons-y, une affaire. Ouais, je vais te le dire en décrivant le jeu demain. Quand tu sais des vaisseaux, il y a des gems vertes qui sortent. Donc, il faut les ramasser. Les gems vertes vont t'augmenter ton shot en haut. Donc, c'est le nombre ton de coups. Ton shot de base. Non, c'est le nombre de coups que tu peux prendre, ça, les shots en haut, là. OK, OK. Ça, ici. Ouais. Ça, c'est le nombre de hits que tu peux prendre avant que ton shield commence à prendre de l'impact, mettons. OK. Fait que ton vaisseau peut avoir, mettons, 4-5 coups avant de se faire descendre le shield. Le shield, il sert à le shield d'après, ben, le shield, après ça, il va descendre, mais ton shield, il se régénère quand tu tires pas. Ah. Fait que si tu peux arrêter de tirer, il va se régénérer. Fait que ça donne un bon jeu quand même, là. OK, OK. C'est weird. Les gems, ils ont différentes grosseurs, donc... Plus la gemme est grosse, plus il va te redonner des shots. Puis quand toutes tes shots sont complètes, mais là, tu tombes dans l'autre partie qui est les power-ups. Là, donc, tu les remplis. Tu peux remplir des power-ups. Tu peux les craquer pour les leveler up. Quand tu arrives à un full vert, ben là, ils level up. Okay. Ils vont leveler up aussi en tirant les ennemis. Puis si tu ramasses ton power-up une deuxième fois, ben il va tout de suite monter à l'autre niveau, mettons. Là. Okay. Une affaire que j'ai beaucoup appréciée, si tu prends un power-up, ton power-up, il va se remplacer, il va retomber dans l'écran, fait que tu peux aller le rechercher. Ah. Fait que par erreur, tu prends un power-up que t'aimais, puis tu le perds parce que t'en prends un autre, tu peux venir le prendre tout de suite après. Okay, là, okay. Il laisse là, puis il flotte un peu, fait que ça, c'est super bien. Est-ce que les power-up, c'est des choses, ils se vident en les utilisant? Non. OK, OK. Ils se vident pas. Par contre, ils peuvent prendre du dommage. C'est ça. Puis là, puis t'es dépendamment du power-up, puis là, tu peux les perdre. Ouais. Fait que quand t'as, mettons, 2 vaisseaux sur le côté qui font 3 tirs, mais tes vaisseaux peuvent se faire tirer dessus, puis ils peuvent disparaître, puis t'es plus. Fait que c'est à bien y penser aussi. C'est vraiment bien pour vrai, là. Puis par-dessus de ça, tu ramasses les power-up, puis t'as une voix digitalisée, là, qui est comme laser. Ah ouais. Puis quand t'es en warning, on dirait que c'est la secrétaire du bureau qui a fait warning. Mais j'écoutais GameSack, justement, puis il dit que lui, il est invité à faire une de ces voix-là dans le jeu. Ah ouais? Ah ouais. Fait que c'est vraiment hot, là. Mais y en a-tu beaucoup des power-ups différents? Je pense qu'il y en a peut-être 7-8, là. C'est pas tant, mais il y en a une bon, bonne variété. C'est bien assez, là. Quand il y en a trop, moi, ça m'énerve. Moi, j'en prenais 2 pour vrai. Mon top genre de game à la fin, c'était que je gardais 4 slots d'énergie, puis 3 power-ups pour, afin de garder 2 power-ups, puis le pod qu'on voit là, qui est en haut à droite, là, qui est le adaptation pod qui te permet d'aller faire des augmentations sur ton vaisseau. OK, lui, il te prend une place de... Ouais, exact. Là. OK, mais tu le veux, là, parce que... Ah, tu le veux à la fin, parce qu'il faut que tu... Parce que c'est un jeu qu'il faut que tu grind. Tu peux probablement être bon puis le finir d'une shot, mais c'est très difficile. Ça m'a pris 7-8 heures à passer. OK. La fois qui est super bien, c'est qu'à la fin des quand tu meurs, en fait, ils vont te donner un password. Puis le password te permet de recommencer au début du jeu avec les stats que tu avais. Okay. Fait que si mettons, t'es rendu, ton shield est level 10, puis ben là, tu repars avec ça. Fait que tu deviens meilleur en meilleur en meilleur. C'est pas triché. Il donne le code pour le faire. Il donne le code pour le faire. C'est juste que, comme, hey, t'as fait une bonne game, recommence du début, mais avec tes améliorations, t'étais rendu. Parce que sinon, ça deviendrait vraiment frustrant. Puis ça te donne tellement une bonne progression, j'ai trouvé, que de te donner justement là, un petit bonus de comme, hey, garde ta progression, mais recommence, t'sais. Exact. Fait que là, à la fin, là, quand je jouais, le niveau 1, 2, 3, je te passais ça, je perdais pas une vie, je te wipais tout le temps. C'était OP, là. Ah, c'était fou, là. Ouais. Fait que ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai trouvé aussi qu'il y a des bonnes... Beaucoup de... T'as-tu fait la transition? Check ouais, ça. Il y a des transitions de malade. Les transitions débiles. Le parallaxe aussi, là. Le parallaxe, c'est fou. Puis après ça, t'arrives au boss, puis là, il y a des nuages. Il va descendre des nuages, il va aller au-dessus de l'eau, genre, avec le coucher du soleil en arrière. On va le voir bientôt, là, mais c'est... Tout ça rajoute tellement à l'expérience. Puis tu vois, là, que c'est du monde qui savent ce qu'ils font, là. Ouais, ouais. Tous les détails étaient bien pensés. C'est du monde qui a travaillé sur des chemins, puis qui aime les chemins, puis on travaille là-dessus, là, vraiment, là. Ben, puis ils ont développé des vrais jeux de Genesis à l'époque du aussi, Genesis. C'est ça, là. J'ai beaucoup aimé le graphisme. Là. Ça rappelle vraiment l'époque Genesis, l'époque 16-bit, puis c'est très bien, là. C'est assez clair, quand même, visuellement. Ouais, ça dépend des places. Il y a des endroits qui vont être un peu plus sombres, parce que t'es comme dans une section où t'es dans les nuages, vraiment très, très clair, là. Ouais. Bon, il y a une bonne variété d'ennemis, quand même, là. Il y a des patterns d'attaque qui sont variés. Il y a des ennemis... où il y a des projectiles qui vont persister plus longtemps. Des fois, t'as des plus gros boss qui vont péter, puis il y a des morceaux de ces boss-là qui revolent. Puis là, si tu pètes ces morceaux-là qui sont dans les airs, ils vont te sortir des gros, gros gems qui te remplissent presque au complet ta jauge. Là. Ah ouais, fait que ça te donne un incitatif à y aller. Là. Bon, les boss, ce sont pas très durs. T'as pas des patterns. À la fin, ça commence à être difficile, par exemple. T'es sur une verticalité à la fin que, genre, le boss, tu peux descendre sur 3 niveaux à peu près. Fait que tu peux descendre ton écran. Ton écran va scroller vers le bas. Puis une couple de fois aussi, quel est ce chef-d'œuvre, Pipi Cacapoil, c'est Earthion. Il y a des niveaux aussi, qu'il y a des transitions, que t'es vertical, puis ça arrête, puis ça se met à descendre. T'es horizontal, ça arrête, ça descend vertical, puis ça repart horizontal dans un sous-niveau en dessous, dans lequel tu vas jouer aussi vertical. Fait qu'il y a une belle variété dans le gameplay, c'est vraiment bien, là. La bande sonore de ce jeu-là. Ah, ça doit. Ah, je voulais l'écouter sur Spotify. Je cherchais du nouveau stock. C'est malade. Là. C'est sûr que ça doit être là-dessus. Ah, c'est incroyable. Il l'a en vinyle, mais il est sold out. Je l'ai recommandé sinon. Là. Mais c'est un genre de. C'est un flow genre techno-rétro. Puis les derniers levels, la musique est tellement épique. Je mettrais ça pour mon mariage. Ah, ouais, hein? Ah, ben, il y en a ici. Il y a une affaire. Earthion 1. Ok, je pense que c'est un. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça se pourrait, mais je regarde vite fait sur Spotify et je le vois pas. Une track. Faudrait que je regarde. Faudrait que je les écoute, Simon, les tracks, puis je pourrais en dire une après. Là, tout est bon. Fait que tout fait avec l'environnement dans lequel tu te trouves, là, c'est fou. Regarde, check sa transition. Là. Ah ouais. Mais regarde, il va s'en aller genre vers. On va le mettre en gros. Mets-le en gros. Check, là. Ah. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais voyons donc. Ah. C'est donc bien nice, là. C'est drôle comment on regarde ça, puis nous autres, on est comme mind blown. Puis c'est pas genre le dernier jeu, tu sais, hyper réaliste de console récente. Nous autres, c'est ça. Mais ouais, puis moi, j'aurais ça, puis je suis comme. Ben oui, mais parce que ça fait très rétro, mais c'est adapté. Puis ça, ils ont appris toute l'expérience du bagage de tous les jeux de shmup qui ont sorti à travers les années. Là, c'est, ouais. Ce jeu-là est un chef-d'œuvre de shmup. J'ai vraiment adoré ça, là. Puis j'imagine qu'il y a des niveaux easy, medium, hard. Là, Ouais, t'as 4 difficultés. Je m'en souviens plus. C'est easy, medium, hard, puis hot shot à la fin. Hot shot. J'ai joué, je l'ai passé. J'ai passé le jeu d'ailleurs, là, mais j'ai joué à normal. Ok, ouais, c'est ça. C'est correct. À un moment donné, j'étais comme, mets-tu à easy parce que j'étais curé. Puis non, je vais me rendre. Parce qu'à chaque fois, j'étais comme, je me rendais plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Puis à chaque fois, ça a été long que je catch qu'il fallait que je pogne les adaptation pods pour me faire des augmentations. Ouais, là, c'est hein. Ça. Mais quand j'ai commencé à comprendre ça, je suis comme, OK, là, c'est ça le nerf de la guerre dans ce jeu-là. Donc, transition incroyable, encore une fois. Ouais, j'aime tellement ça pour arriver. Tout ça est fou, là. Ouais. Évidemment, à la fin, tu finis, là, puis t'as des cutscenes, genre, super beau graphisme, là, japonais, de manga, là, très poussé, que tu vois pas dans le jeu du tout, mais qui sont là juste pour le générique final, là. Ouais. Mais ouais, voilà. Ce jeu est un pur chef-d'œuvre de shmup pour tous ceux qui aiment les shmups, là. Il n'y a pas de multiplayer, par contre. Non, tu peux pas jouer en multiplayer. Ah. Mais je garantis que ce jeu-là s'en va sur ma main d'arcade pour jouer là, avec ça. Ça doit bien jouer avec... Moi, ça s'en va dans ma collection Switch, c'est bien certain, dès que ça sort. Et puis, j'ai très hâte de jouer. Tu vas apprécier au bout, là, toi, là, ce jeu-là. Puis, Genesis, en 2026, comme tu disais, vraie cassette sur vraie console Genesis. Ouais, exact. C'est un grand jeu fait par du grand monde, là, oui. des maîtres de leur art. Et pour toutes ces raisons, je lui donne la note parfaite de 5 pommes sur 5. 5 pommes sur 5. J'ai cherché des défauts, j'en ai pas trouvé. Exact. J'ai capoté. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à ce jeu-là. Je l'ai pas lâché, je l'ai passé une couple de jours. Là. Ben, 8 heures. T'as joué pas mal, là, quand même. Là. Mais je l'ai grindé, là. J'ai grindé comme il fallait que. Mais tu sais, là-dessus, il y a peut-être une heure et demie que j'étais genre avec mon gars. Mon gars jouait à Gunman Clive sur l'Highgate. J'étais assis tout croche dans le divan. Genre, j'étais pas attentif. Ouais. Fait que d'après moi, entre 6-7 heures, peut-être qu'il y avait de le passer, là. Quand même. Mais une run va te prendre une demi-heure, peut-être. Fait que c'est le grinding de pods, là. Ouais, tu leur grindes à chaque fois. Fait que si t'es bon, puis tu peux passer une shot. Good job. Passer une demi-heure, une heure, vas-y. Mais ouais, sinon, c'est grind, puis. Mais mettons, là, je joue au jeu, puis après le niveau 1, je pogne le pod, OK? Ouais. Puis là, je l'utilise entre le 1 et le 2 pour avoir un upgrade de missile. Puis là, je meurs game over, puis là, je recommence la game, puis je refais le niveau 1, puis je pogne un pod encore. Mais ton missile qui était rendu niveau 2 va déjà être niveau 2, fait que tu peux le mettre niveau 3. Fait que je pourrais juste refaire en continu le premier niveau puis me crever, rien que pour ramasser des pods rapidement. Faut que tu battes le boss du premier niveau au moins, là, pour te rendre Mais oui, tu pourrais faire ça techniquement. Là. Pour avoir... Ouais, c'est ça, c'est comme... C'est ça. Mais ça, fait que c'est bon, là, tu sais, à force de le faire, parce que c'est quand même... T'as beaucoup d'affaires à upgrader, là, tes armes, ton shit. Okay. Il y a bien des petites affaires, tu peux te mettre aussi des vies supplémentaires. Fait que moi, à la fin, j'étais maxed out. Fait qu'à chaque fois que je pognais ça, genre, plus une vie. J'avais 7 ou 8 vies quand j'ai fait le dernier niveau, là, puis j'ai fini sur ma dernière vie, le boss de la fin. Ah là. Ouais, hein? Fait que c'est ça, là. Mais oui, tu peux le jouer de même. C'est toi qui dessines un peu ta stratégie. Okay. Ça donne une bonne variété de gameplay, de pouvoir le gérer comme ça, là. Puis à partir du niveau 3, il y a une vie cachée par niveau. Fait que tu trouves la vie, fait que tu peux quasiment... pas crever, tu sais, rendu ouais, là. C'est mais, ça. Mais, pas crever. Non, parce que c'est juste une vie de plus. Ben, faut que... Même... Ouais, c'est ça. Faut pas que t'en perdes deux. Ah, puis des fois, il y a des petits... genre, ça glow là, dans des coins, là, si tu sais, il y a des gems cachés dans le décor, là. OK, OK. Si tu pètes le décor, il y a des affaires cachées aussi, souvent. C'est très, très bien, là. C'est malade. C'est un excellent jeu. Ben, ben, hâte de voir ça. Yes. Les gens chez... qui nous ont donné le code. J'ai jamais embrassé encore, puis c'est pas ça, là. Overload. Ah, il y a trop de pertes. Il y a trop d'affaires. Les gens chez Overload vont être très heureux de cette magnifique critique. Ouais, merci beaucoup pour le code. C'était un excellent jeu. Et on s'en va en question du public. Wow. On arrête le show, faut juste écouter ça. Pour ceux qui savent pas ce qui se passe présentement, c'est la musique, c'est une des tracks, dont le meilleur, à mon avis, de McKids au NES. Ah ouais. Donc, vous pouvez entendre cette magnifique chanson dans laquelle il n'y a pas de chant au niveau 2. Pièce musicale. Ouais, il y a 5 tracks dans le jeu. À peu près. Asti, c'est bon. Hein? Je me demande si ça va marcher sur une manette 3 ou 6 pitons. Il va être 6 parce qu'il y a 4 boutons dans le jeu. Tu peux tirer ton arme principale ou ton arme secondaire ou les deux. Je sais pas pourquoi tu ferais pas les deux en même temps, là, tout le temps. Là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'avais mon doigt sur les deux, puis l'autre bouton, c'était pour changer d'arme secondaire. Fait que là, mettons, il y a plein de monde, mais là, je wipais partout. Puis là, il y avait un gros boss, change d'arme vite, genre sur un beam direct sur lui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le fun, là, quand tu peux jouer de même, puis jouer avec tes... C'est ce que Dodonpachi fait tellement. Exact, là, c'est ça. Fait que c'est... Ils ont pris le bon Dodonpachi là-dedans. Là. C'est... Exact. Tout ça est magique. Là. Le bon vieux beam. Ouais, le beam. Fait que on s'en va en question sur Instagram. Et on part ça avec Bambino Tacos. Bambino Tacos. Salut les boys. J'aimerais savoir quel serait votre item de rêve de collection que vous aimeriez avoir sur la tablette. Une boîte et livret de jeux pas trouvables ou alors une console obscure, difficile à trouver, complet en boîte. Merci pour le spectacle et passez une excellente soirée. Il y a une question dans le chat, on va y répondre après. Donc, item de collection ou mon Dieu, c'est difficile. Ben moi j'ai des rêves atteignables. j'ai besoin de Jetsons au Game Boy, boîte et livret. Ça va compléter tous les jeux que j'avais au Game Boy quand j'étais plus jeune. Et puis c'est d'ailleurs un excellent jeu. J'ai réussi à ravoir tous les jeux complets en boîte de ce que j'avais à l'époque. Ouais, ouais. Il manque juste boîte et livret de ça. Et puis j'en vois pas souvent. Puis ça coûte fucking cher. Puis ça fait chier. Fait que ça, c'est un rêve possible. Sinon, rêve. C'est pas tant un rêve, là, mais au Super NES, ça me prendrait le Dual Kart Mountain Bike Exertainment et Speed Racer. Là, ça l'a rendu à 3000$, cette affaire-là. Mais, collection, man. Et la 64DD, là. Ah ouais, tu voudrais ça? Ou la Nintendo Sony là qu'il y avait maintenant. Ah ben là. ça t'as pas accès à ça. Je sais, mais genre c'est un rêve là, j'ai des affaires weird là. Ah, j'avoue que ça serait hot. Ah ouais, ok. Excusez, regardez les questions dans le chat. Oui, le Little Mr. Rat. Qui veut t'aider à faire du ménage au sous-sol? Oui, parce que j'ai fait à l'époque, ben, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai présenté Retro MTL le deuxième étage. Ouais, je l'ai vu ça. Sur TikTok, puis je l'ai publié sur les autres médias sociaux, puis ça a eu une très grosse réaction pour vrai. Ouais, là, c'était bon, hein. C'est notre deuxième. Le monde voit comment notre studio est gainé, là, de 4 murs blancs. Puis... exact. Mais c'est ça. Puis là, après, j'ai présenté le rez-de-chaussée. Puis après ça, quelqu'un qui dit quand est-ce qu'on va voir la cave. Fait que j'ai montré la cave. Puis là, quelqu'un qui a écrit quand est-ce qu'on va voir les toilettes. Puis là, je me retiens d'aller filmer toutes les toilettes qu'il y a dans la place. Mais il n'y a pas de ménage de sous-sol à faire, mon cher ami. Puis le PVM, le moniteur qu'on a dans le sous-sol, n'est pas à vendre. On le garde là pour whatever. Ah, alors, un PVM, oh wow. On verra bien. Sinon, aussi dans le chat, ici, on a Pog05 qui dit « Bonsoir, messieurs. Question à mettre à votre liste. Vos meilleurs, pas un top. Haha. » Podcast qu'on écoute récemment. Podcast qu'on écoute régulièrement. Surtout, ah, régulièrement, OK. Sûrement de la business pour Dom. Business, ben moi, j'écoute beaucoup... Je suis quasiment gêné de le dire. J'écoute le podcast de Jer Allen, What's Up podcast. Je trouve pas qu'il est un animateur super tight, mais il y a des invités incroyables. Ouais, ouais. Fait que j'aime beaucoup écouter ça. Puis j'écoute d'autres podcasts aussi. Comment ça s'appelle? Donc, Prends un break, je pense, ou quelque chose de même. Un break. Où est-ce qu'ils ont reçu Jean-Michel Ossan de Option Nationale? C'est-tu Jean-Michel? Jean-Martin Ossan, d'Option Nationale, donc un parti politique, et puis qui était très nationaliste à l'époque, dans l'Option Nationale. Et puis, j'ai écouté, quand ils ont reçu Valérie Plante, j'ai écouté ça. Moi, j'écoute ces affaires-là. Quand Olivier Primo est allé à Jer Allen, j'ai écouté Olivier Primo parce qu'il dit qu'il veut faire de la politique, il veut être le premier ministre. Ouais. Moi, j'écoute tout ça pour me renseigner. J'écoute un café avec Judith Fetzer. Ouais, ouais. Et puis, elle reçoit des entrepreneurs. Toutes des affaires que je pogne en short sur Facebook, là, sur les Reels. Là. Je prends des extraits d'eux. Là. Exact. Fait que j'écoute ça dans l'entrepreneuriat. Et puis, quand le hockey recommence, j'écoute Processus. Ah, mais là, il se passe de quoi, Processus? Il se brasse la merde avec Processus. BPM a mis la hache dans tout. Ah, il se passe vraiment avec bien des affaires avec les médias de sport au Québec, là. Martin Lemay, là, aussi, qui est en procès contre je sais pas quoi, contre BPM, là. Ah, ouais. BPM, en plus, Marinero, ils l'ont envoyé, ils l'ont mis dehors. Ils sont en train de saboter eux-mêmes. C'est dégueulasse. Puis le podcast Processus, c'est avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Et puis, c'est juste sur le développement. Ouais, ouais. Le développement puis la reconstruction des équipes. Puis, of course, ils font le Canadien puis ils font d'autres équipes aussi. Puis les gars, c'est des hosties de brain. C'est super intéressant. Ouais. Mais ce Processus appartient à BPM. Puis eux autres sont partis. Fait que là, ils vont se partir la même affaire sous un autre nom. Ils vont juste continuer. Mais le nom Processus, ça Snake, il part un affaire en anglais aussi. Un podcast en anglais aussi, Snake, avec du monde anglais que je connais pas, qui va sûrement être une version, d'après moi, très light de Processus. Donc, le vrai bon show, Processus, ça sera plus... Ça sera plus processus, ça va avoir un nouveau nom. Ça va être annoncé bientôt. Et notre ami Seb Brutal avait deviné, Louis Morissette qui a engagé les boys, qui vont podcaster dans ses infrastructures à lui, là, puis tout ça. Fait que il était déjà allé au podcast entre la poire et le fromage. Qui parle de hockey aussi, mais un peu des fois d'autres sports. Puis bon, il s'invitait tout ça. Fait que j'écoute ça et puis. Ouais, eux autres, c'est plus opinion là, que stats. Exact. Mais c'est très anal le processus. J'ai appris, j'adore ça. Là. Puis j'écoute le CU podcast encore avec Pat Country. Il en sort un au mois et demi. Quand ils sortent, je l'écoute encore. C'est pas mal ça. L'été, j'en écoute peu parce que je suis en vélo puis je mets pas d'écouteurs à vélo parce que c'est illégal. Et puis, Pour vrai? Oui, t'as pas le droit. Là. Et puis, je veux pas me faire flaguer. Puis, de toute façon, je veux rester prudent. Là. Et puis, je mets mon casque en ville, et tout ça là, en ville. Mais là, l'hiver va revenir. Ça va repartir full on. Podcast. Toi, Jeff, t'en écoutes-tu? Sous-écoute à chaque semaine parce que c'est religion. Là. J'ai déjà parlé Ruff Report, une affaire que j'écoute aux États-Unis, le gars qui podcastait avec Kevin Smith avant, qui fait un daily podcast, juste parce que c'est mon petit bonbon de la journée. J'ai commencé à écouter une couple d'épisodes, le podcast des personnages. Je connais pas. C'est des humoristes qui vont là, puis ils sont en personnage pendant une heure et demie, deux heures. J'ai écouté une affaire de Stéphane Rousseau, qui fait un Québécois qui faisait des films aux États-Unis. Hostie, que c'est n'importe quoi. C'est drôle, là. Mais c'est ça. Je regarde, mais j'écoute pas grand-chose, honnêtement, de ce temps-ci. Rince Crème, tu l'as écouté encore, podcast de Denis Drolet? Ouais, ben ça, je viens de dire, les Denis, au début, je l'ai. Ah, excusez-moi. Rince Crème, oui, mais. Puis, podcast, mais je l'écoute en vidéo. Fait que c'est ça. Moi, j'écoute ça comme une heure, genre, comme une émission de télé, là. Je me suis trompé tantôt, le podcast que je voulais dire, c'est pas Prends un break, qui est un podcast qui existe, là, mais c'est le Sans filtre podcast. Ah ouais, ouais. Donc, ça, j'écoute ça. Aussi, je veux mentionner que le Coin Game Over, la boutique de jeux sur la rive sud ici, il podcastait aussi en vidéo, mais que sur YouTube. Et puis, moi, j'étais allé aussi là-bas, puis c'était à une certaine époque que sur Facebook. Puis là, ben, ils ont tous mis ça sur Spotify. Ah, donc, ça, c'est cool. Le Point Game Over sur Spotify si vous voulez écouter leurs affaires. D'ailleurs, ça, c'est Michael qui faisait tout ça, mais Simon, qui est un autre des propriétaires là-bas, va avoir son propre podcast. C'est ça qu'il dit. Puis qui va arriver en septembre. Et puis lui, il va vraiment parler de jeux rétro, puis des tops. Là, puis de, fait que ça va vraiment être pas de la nouvelle ou des affaires de même, mais des jeux rétro. Donc ça, c'est intéressant. Podcast de lutte, ouais, il y a un podcast qui s'appelle C'est juste la lutte, mais j'écoute pas beaucoup. Podcast des personnages avec Arnaud Soli, on dit c'est le meilleur dans le chat. Ouais. Ah ouais, hein. Cyclone, ouais, la course à la mairie de Montréal, c'est deux visions complètement opposées. C'est ça, hein? Peut-être qu'il voulait bouncer sur le WhatsApp podcast que j'ai écouté avec Gilbert Thibodeau, qui se présente à la mairie de Montréal. Je connaissais pas ce bonhomme-là. Okay. Je dois dire que son attitude boomer de voix rauque de fumeur et de on dirait qu'il manque des dents. Juste un peu le genre de jugement là, mais c'est comme il est comme Chris, une caricature là, de boomer là. Puis j'ai bien de la misère là. J'ai pas de la misère. Moi j'écoute tout. T'sais. J'écoute du monde à gauche, j'écoute du monde à droite, je me fais mon opinion. Mais je suis d'accord avec des choses qu'il dit, puis il y a d'autres affaires que c'est des fucking raccourcis faciles. Là, c'est facile de dire que tu vas couper ci, puis ça. Tu sais, ça par rapport, c'est pas une bonne approche. Il y a pas une bonne approche. Il y a des idées avec lesquelles je suis d'accord, mais il n'y a pas la bonne approche. Puis je suis pas d'accord avec toutes ces idées. Puis Olivier Primo, surveillez-le, il est dangereux. Sinon, j'écoute Search Engine. J'écoute le podcast de la Playdate. Des fois, quand il y a des nouvelles affaires, il y a des podcasts de Playdate, ouais. Puis. Comme tu peux voir ici, le podcast de chez Papa Cassette pour contrôle de qualité. Exactement. On donne un bon show. Oui, ben vraiment. Puis le Startup Podcast aussi, qui est un excellent podcast d'entrepreneurs avec deux jeunes filles qui reçoivent des entrepreneurs chevronnés. Donc, très intéressant. Allez écouter le podcast de Fred entre deux parties. Voilà. Ben, pas de podcast sur les jeux vidéo, il n'y en a pas comme. Puis, il y en a, mais on dirait que ça ne me tente plus. Ben, être tout le temps à être là-dedans aussi, là, maintenant. C'est pour ça que j'écoute pas des podcasts de lutte non plus. J'ai trop d'opinions, là. Fait que, genre, je sais pas. Là. Ben, ça, pour les podcasts de jeux vidéo, il y en a un que j'écoutais, puis là, j'ai slacké. C'est The Collector's Quest. Puis ça, c'est un podcast de collection. Ils parlent de... un moment donné, il y a un épisode, ça peut être juste les variants de Sega Saturn. Très anal. C'est assez anal, tu sais. Puis c'est... est-ce qu'on devrait changer les bacs de jeux de Super NES, tu sais, quand il est pas beau? Débat d'une heure et demie là-dessus. Oui, trois heures. C'est des belles notions. Ça, j'aime ça. Ça, je veux ça. Mais un podcast d'opinion sur ce qui sort, je m'en sac. J'écoutais beaucoup le Nintendo Voice Chat pendant un bout, puis j'ai arrêté parce que je suis allé en train de parler de Nintendo. Là, mais... ouais, c'est ça. Hein? C'est comme si on sature aussi. Il y a tellement d'affaires à écouter. C'est ça qui arrive, moi, avec. On se sature. Puis je fais plus de voiture, à peu près pas. Là. Ouais, j'avoue. Hein? Fait que. Voilà. Putain, Jim Gendron dit « Demain matin, on te propose d'être le premier ministre du Québec. Acceptes-tu? » Certainement. La politique, c'est quelque chose que j'adore. On interdit les crottes de chien. Le volage de poubelles dans Hochelaga, ça suffira. Mais vous êtes le premier ministre du Québec. Non, c'est Hochelaga. On investit toutes les poubelles au Québec. Il va y avoir des GPS dedans. Non, j'aimerais beaucoup éventuellement... Ben, t'es présenté à la mairie de Montréal? Ben non, mais je pense que j'aimerais être dans la politique. Oui, mais hein? En même temps, j'ai pas le temps là, d'aller serrer des mains et tout ça. Mais je suis très... Des super spaghettiques du monde qui sentent la clope. C'est ça, exact. Mais je suis très opinionné. Ouais. Énormément. Et puis, je pense que je suis un bon rassembleur. Puis, je suis capable de mettre des opinions qui vont rassembler. Et aussi, comme, éloigner des gens. Mais je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais là, je me dis souvent aussi, avec toute la marde qu'on dit ici depuis 2011, c'est clair. Faudrait tout enlever ça, tu sais. Rendu trop haut, ils vont aller diguer là-dedans, puis je vais tout perdre. Ils vont avoir genre un spécial d'une heure à TVA de toutes les jokes de la Verlochère, puis des jokes de viol. De viol, puis de pendaison, puis de dèche. Ouais, de pendaison, puis de suicide. De fourrage, puis de. Ah, non, c'est pas bon, là. Ah bon, OK. Olivier Hugo dans. Olivier Huguet. Dans Instagram. Après combien d'années le podcast Rétro Nouveau devient rétro-rétro? Ah, c'est dans. Ben, quand il n'y aura plus de jeux de PS. Quand on va être rendu à PS6. Ah ouais, hein? Parce qu'on a couvert la PS5 en Rétro Nouveau, on n'a pas couvert la Switch 2. Ouais. Fait que ce serait la prochaine génération. Ouais, PS6. Techniquement. Il n'y aura plus d'autres Xbox. Quoi que l'espèce d'affaires là, qui ont sorti. Là. Mais ouais, ça va être rétro-rétro. Rétro-nouveau, c'est intemporel, anyway. Là, j'ai vu que Bruno a participé. Ouais, il était sur un autre podcast de quelque chose. Ben, il y a un podcast de gaming de notre ami Dan Vaillancourt. Ah, c'est là qu'il était, OK. C'est le podcast des... Attends, j'ai oublié. Excuse-moi, Dan. Des pas 3A. Genre, podcast qui est non AAA. OK. Je pense que c'est ça l'affaire. Fait qu'il parle pas de jeux AAA. Il parle de jeux plus obscurs. Ouais, tout ouais, ça. Ouais. Je me sens... Si c'est pas ça, je me sens vraiment mal. J'ai pas le temps de faire une recherche sous la main. Mais Bruno est allé là pour parler de un de ses jeux fétiches qui était Katamari. Le podcast des pas AAA, c'est ça? Des pas AAA. Voilà. Avec Daniel Vaillancourt, puis l'autre, je sais pas c'est qui, j'ai pas fait de recherche. Disons ça de Voro BD et Dan Vaillancourt. Voro BD? Ouais. OK. Bon, ben voilà. Voilà ce que c'est. Alors, c'est un podcast de gaming, et puis si vous en cherchez un autre. J'ai failli fermer OBS. J'ai tout fermé ici. Ouais. Fait que Bruno est allé, j'ai pas écouté le show. Ouais, j'ai vu une vignette qui était là. J'ai dit, hey Bruno, il est ressorti, cool. Exact. Il est ressorti faire une petite présence. Une petite présentation. J'étais bien content de voir ça. Ouais, tant mieux. Fréchette Antonin, l'un des deux bros. Yes. Et l'autre bros a pas fait de questions, là. C'est quoi une journée typique dans la vie de Papa Cassette, père de deux enfants et propriétaire d'une boutique de jeux vidéo? Bon. Me lève le matin, me crosse. Après ça, je fais mon caca. Non, c'est ça. Ben, j'ai toute ma routine du matin. Caca le matin, toujours. Déjeuner, toujours pareil. Un shake de fruits. Ouais. Et puis, deux toasts au beurre de peanut. Une banane et fruits congelés. Ou sinon, quand il faut, je passe les vieux fruits que personne mange. Je passe les vieux fruits. Les fruits amollis. Là. Et voilà. Fait que je prends mon vélo l'été et puis ou le bus l'hiver pour venir ici. Et puis, je prends mon téléphone pour enlever les systèmes d'alarme sur les deux étages. Je rentre par le bas quand je veux voir, par l'entrée du magasin quand je veux voir le rachat de la journée d'aveille ou que j'ai une affaire à régler. Sinon, je rentre par une autre porte qui met en haut directement. Et première chose, je pars le café. Parce que là, il faut que le café brew pendant que je dépose mon lunch puis mes affaires. Ah ouais, l'autre, c'est cafetière. Là, c'est pas, ouais, c'est un percolateur. C'est pas du Keurig, là. Non, on est pauvre. C'est un percolateur. Non, mais moi, j'aime ça. Beaucoup de café. Je m'envoie deux grosses tasses. Une mère caféinomane, donc un percolateur. Un percolateur. C'est le meilleur gag de tous les temps, ça. Mais ça... Mais moi, je bois beaucoup de café le matin. Puis là, je te pisse ouais. ça sans arrêt jusqu'à midi. Là. Fait que c'est ça, je m'assois à mon ordi, je check mes dossiers. On commence à 9h ici. À 9h, on a le meeting avec l'équipe du deuxième étage que vous avez vu si vous avez vu la vidéo. Donc, avec l'équipe web et l'équipe de nettoyage. Et puis, moi et Martine, on fait ce meeting-là. Donc, qu'est-ce qu'on va rentrer en inventaire aujourd'hui? C'est quoi les priorités? C'est quoi le plan du jour? Ou qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il y a une sortie de jeu jeudi. Mercredi, on sera pas là. Whatever, tout ce qu'il y a à dire. Les affaires à surveiller, etc. Ensuite, on va de l'autre côté regarder c'est quoi la priorité de nettoyage, de testing. Là, comme, OK, il faudrait faire des 64, on n'en a plus, ou il en reste rien qu'une, on passera pas au week-end, ce genre d'affaires-là. Et puis, c'est ça. Ben, moi, je dis 7 à 8, ça se passe à 9. Fait qu'entre 8 et 9, je fais mes affaires perso, là, des fois aussi. Ben, demain matin, je vais préparer le show. C'est beau, la description est là. Exact. Ou je règle des gogos ou whatever, mets ça à l'email, paye des bills, ce genre d'affaires-là. Puis voilà, on travaille toute la journée. Mes journées sont très différentes, dépendamment de ce qu'on a besoin de faire ici. Puis je repogne mon vélo à la maison, aller faire de la vaisselle, puis faire à souper, puis c'est simple. Une vie de papa. Là. Une vie de papa très, très tranquille. Très tranquille. Vie régulière. Je me rends compte que c'est bien tranquille. Après, ça va te piquer dans la ruelle en arrière, puis... Comment? J'ai l'impression que tu vas finir ta soirée à te piquer dans la ruelle. Hein. Ouais, dans la ruelle. Se piquer dans les ruelles de Rosemont. Se piquer entre les orteils dans les ruelles de Rosemont. Se piquer. Fait que that's it. Fait que c'est une belle vie. C'est une belle vie. C'est une vie tranquille. Et tu sais, c'est quoi dans le meme? C'est vraiment une campagne solo pour un joueur de votre calibre. Oh. Et là, il y a, hey, it's a peaceful, peaceful. It's a peaceful life. Mais c'est ça que ça prend. Ça. La paix. La Christ paix, là. Ça n'a pas de prix. Mais j'aime quand même l'action aussi, par contre. Ah oui, mais il faut que tu puisses avoir ta paix, tu vas avoir la paix. Oui, oui. Non, j'ai ma paix, j'ai de l'action en masse aussi dans le développement ici, ou la fin de semaine. Fait que j'ai une vie balancée. Je suis bien heureux. Sur Facebook, maintenant, Pat Doyon. Question hockey. Avec le remplacement de Snake Boisvert et Mathias Brunet à la barre de l'émission, est-ce que vous allez continuer à écouter le podcast Processus qui va... Ils ne changent pas de nom. Donc, est-ce qu'ils vont garder. Pourquoi ils ont mis dehors d'abord s'ils gardent. Ben, le nom leur appartient. C'est comme Doink the Clown. T'sais, ça appartient à WWF. Je comprends, là, mais genre, ça veut dire qu'ils gardent le podcast avec d'autres animateurs. Oui. Pourquoi ils n'ont pas gardé Brunet puis Snake? Ben, ils devaient avoir des enjeux. Des contrats, là. Ouais. Tout le monde quitte le navire. Fait qu'ils sont crissés en camp, eux autres, avec pour être bien ailleurs. Mais moi, je trouvais ça. Tout le monde dit, voyons, tabarnak, Processus, c'est avec Snake. S'il n'y a pas Snake, il n'y a pas de show, là. Oh ouais. C'est pas plus compliqué que ça, là. Fait que je ne sais pas ce que ça va être à BPM pour Processus, les nouveaux animateurs. Et puis, certainement qu'ils vont mettre du monde très compétent. Mais c'est pas le Snake. C'est rien. Là, non, mais Processus, tu sais, c'est un podcast sur le développement. Fait qu'on va mettre d'autres personnes qui... T'as pas la mascotte, man. Fait que ça marche. C'est comme si chez Papa Cassette, c'était plus toi qui animais. Genre, t'étais plus dans le show, mais ça s'appelait quand même chez Papa Cassette. On parlait du jeu rétro, moi, mais c'est. Exactement. C'est exactement ça, en fait. C'est ça. Moi, l'essayer. Est-ce que ça va être bon? Ça sera sûrement pas mauvais, mais ça. T'es-tu correct? Ouais, une crampe dans la cuisse. Par le rock. Aïe, aïe. Des gars en shape, j'étais assis, j'ai pas une crampe dans la cuisse. Ça m'arrivait souvent à Renouveau, puis vous le voyez jamais. J'étais oh tabarnak, genre ma cuisse me barre. Là. Tu marches trop, c'est ça. Ouais, il y a ça aussi. Il y a Genius35 qui vient de donner le lien du Choc Bruno dans Twitch pour ceux qui veulent mettre ça en favori pour écouter demain. Excellent. Fait que moi, je vais l'écouter, mais puis je vais sûrement décrocher assez vite, j'imagine. Ouais, ouais. Tu vas aller sur l'autre temps, show. Non, mais je vais écouter le vrai nouveau processus, le vrai Snake, là. Puis j'ai pas assez de temps pour écouter deux shows de reconstruction parce que je vais écouter d'autres affaires. Puis il n'y a pas un show de télé aussi là-dessus ça, en ce moment comme Oui, sur Crave. Ouais, sur Crave, je check ça. Ouais, puis la nouvelle saison vient de commencer, c'est sur la saison passée parce que, of course, ils peuvent pas le faire au fur et à mesure. J'avais pas écouté la première saison, mais celle-là, je vais essayer. Là. J'ai très hâte la saison commence. Ah, moi aussi, je suis tellement excité. Il va y avoir des questions de hockey plus tard. Suzuki d'ailleurs. Est un homme marié maintenant. Donc, ben oui. Ah, j'ai peur, man. J'ai peur qu'il fasse profiter de lui. Suzuki? Je les trace pas, ces petites fillettes-là. Ces petits mannequins-là. Là, qui... Je pense que ça fait longtemps qu'il était avec elle, puis c'est un gars qui va à la messe. Oui, il va à la messe. Moi aussi, je pense qu'il va à la messe. Il est tranquille. Caulfield, il aime les petites cocottes, là. d'Instagram, lui. Ouais, là. C'est ça. Il se Suzuki, guette il, ouais, il se guette la cocotte. Suzuki, il est tranquille, je pense. Ouais, je pense que oui. On aime ça à Montréal, les petits capitaines tranquilles. Ouais, ça coûte quoi, il faut. Ouais, ouais, c'est ça. Rémi Chabot, vu que vous achetez beaucoup de lots ici chez RetroNTL, j'imagine, faites quoi avec les vieux jeux de sport ultra communs comme les NHL que personne ne veut acheter? Eh bien, mon cher ami, tu seras surpris d'apprendre que le monde veut les acheter. Le monde achète de tout. C'est quoi? On n'a plus de NHL Stanley Cup ici présent. Ah ouais? Fait que, suite à ma critique, il y avait une couple de choses. Ouais, c'est vrai. C'est suite à ta critique. C'est sûrement ça. Ça a vendu. Oh, non, oh my God! Tirait de l'argent dans les fenêtres. Mais même des Mario de Conte, comme la chose la plus commune au NES, on en a en over ici, on en a 70. Mais là, on s'est rendu compte, Chris, on n'a plus en magasin. On va en rentrer une dizaine. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Tout se vend, man. Mais Mario Duckant, parce que Mario, c'est bon. Genre, les jeux de sport, ça devient daté, man. Genre, pourquoi quelqu'un jouerait à NHL 2006? Dude. Mais oui, parce que les gens sont sur un budget souvent où il y en a qui aiment un jeu en particulier pour des features particulières, j'imagine. J'imagine, mais il y a aussi des. Ouais, le GM mode, où est-ce que tu peux décorer le bureau? Puis... Il y a des NHL moins populaires que d'autres, mettons, sur PS4. Je sais pas quelle année, mettons. Mais on va dire le 2013. C'est relevant, ça. C'est 2023 plutôt. En tout cas, il y a des années qui s'accumulent énormément, puis il y a des années qu'on n'a plus. Ah ouais. Fait que des fois, il est vraiment moins bon le jeu. Mais ce qui est. Des fois, il y a quelqu'un qui va acheter toutes les NHL sur PS3. C'est sa commande. Merci, ah, bonjour. Ouais. Ça. Ben, collection de jeux de sport, ça se peut. Bon, oui, il veut tous les essayer. Anyway, Chris, c'est 5-10 piastres chaque. Il en achète deux, il en a un gratis. Juste avoir, genre, ben, chez nous, j'ai toutes les NHL au complet. Ouais. Genre, ça se peut. Mais, mais on va se dire, là, peut-être NHL, dire OK, là, OK, au Québec. Mais les vieux jeux de golf. Man, il y a du monde qui achète des jeux de golf pourris de PS. Ben, oh, pourris, ouais. J'ai jamais joué. Peut-être c'est bon, c'est un jeu obscur de PS1 de golf. Les Tiger Woods, ça vend. Tout vend, man. Alors, Rémi, tout vend. Donc, nous autres, on met tout en stock parce que tout trouve sa niche. Tout le monde, tu sais, a des goûts. Puis on atteint tout le monde, tu sais. Retro MTL, c'est pas que les collectionneurs. En fait, c'est tout. On peut répondre à tous les besoins de collectionneurs, mais c'est tellement, tellement plus que ça. Et des fois, j'ai l'impression que les gens, tu sais, mettons, sur des places comme le CCJVQ, le club de collectionneurs, tu sais, ah ouais, les collectionneurs, tu sais. Les collectionneurs, là, c'est une fraction, tu sais, de les gens qui achètent des jeux vidéo, là, vraiment. Là. Fait que, voilà. Derek Maddox. Ça me dit rien, Maddox, ça. Ouais. On dirait que c'est la première fois que je vois ce gars-là en possible. Commentaire. C'est possible. Bienvenue dans les commentaires, ouais, Derek. Quel est le jeu NES le plus demandé en ce moment? Je peux pas le savoir parce que on va revenir dans le chat. Hein? Ouais, il y a trop de... Je veux dire, tout se vend tout le temps. Fait que c'est lequel le plus demandé? Ah, faudrait que j'aille voir les stats de recherche. On a des stats de recherche dans Shopify. Mettons, on peut voir c'est quoi qui est le plus recherché. Comme quand, par exemple, quand le dernier film de Deadpool était sorti au cinéma avec Wolverine, ouais. Ben là, une des plus recherches qu'il y avait eu sur notre site, c'était Deadpool. Ah ouais, ouais. Exact. Ça suit des affaires. Ça va avec la pop culture, puis ouais, ce qui se passe. Ouais. Ça va avec la pop culture, ça va avec, mettons, il y a un nouveau Paper Mario qui est remaster sur Switch. Ben là, ça va être Paper Mario. Fait que, mettons, la recherche la plus populaire de jeux NES, je sais pas par cœur. Mais il y a genre au-dessus de 600 jeux, là. Fait que ouais. C'est pas mesurable. Il y a trop de roulements. Je peux pas répondre à cette question-là, malheureusement. Je suis désolé. Mais les Zelda, ça roule toujours. Je peux dire ça. Il y a Genius qui dit que savez-vous que Cody Rhodes va faire Guile dans le nouveau film de Street Fighter. Il y a aussi Roman Reigns qui fait un lutteur. Personnages, ouais. Ils ont mis cette image là ici de Guile. Fait que surtout avec la coupe de cheveux Guile, ouais. Au moins là. J'ai très peur de ce film-là. Ça va être de la don. C'est sûr, ça va être de la merde. J'en ai entendu parler, puis ce film-là, il est loadé de gens. Tu sais, qui sont pas des comédiens. Ah non, c'est fou, c'est là. C'est des youtubeurs, des lutteurs, des affaires. C'est juste pour avoir du monde qui sont connus puis des non-connus. Exactement, là. D'ailleurs, sur le CEO podcast de Pat Country, on a parlé dans le dernier, puis c'est là que j'ai appris tout par rapport à ce film-là. Puis, man, c'est n'importe quoi, là. Ah, n'importe quoi. Ça va être dégueulasse. Je vais y aller le voir. Moi avec. Je suis allé voir dans mes vacances, l'agent fait la farce aussi. Ah, je sais pas, il y en a un nouveau. Ouais, le nouveau Naked Gun avec Liam Neeson à la place, puis Pamela Anderson, là. Wow. C'est déjà fait la phase 4. C'était bon? Moi, j'ai capoté. J'étais tout seul dans le cinéma, mais j'ai capoté. Là. Ah ouais. Hein? J'ai dit, OK, ils ont réussi l'affaire. Genre, l'agent a fait la phase 4. Là. C'est hot. C'est vraiment hot. Moi, j'ai écouté Happy Gilmore 2. Ouais, moi aussi. J'ai bien aimé ça. Je voulais t'en parler, justement. Moi aussi, j'adorais ça. Là. Ah ouais. Ben écoute, il y a du fan service à côté, puis des flashbacks. Non, mais c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais, moi aussi. Là. Puis là, j'avais du FOMO de tout le monde que je savais qu'il était du monde, mais que je connaissais pas parce que je suis trop vieux. Tu sais, il y a des YouTubers encore là-dedans, puis du monde que je connais pas, là. Mon meilleur gag, c'est genre Jack Nicklaus qui commande un Arnold Palmer, pis il est comme, non, c'est Jack Nicklaus. Quand on a une limonade avec telle affaire, Arnold Palmer, non, Jack Nicklaus. C'est ça. Ah, ça, c'était vraiment hot. Et moi, j'aime, en tout cas. Je m'en ai spoilé le début, là, mais genre, la twist du début, j'étais comme, voyons donc. On là. A tout été comme, holy shit. C'est ça l'histoire d'Happy Gilmore. C'est un gars qui peut pas être heureux dans la vie. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Non, c'était très bon. Toute la boisson cachée partout là, va te capoter. Là. Ah, c'était mais plein. Il y a 1 million de caméos. Tous les vrais golfeurs aussi. Là, oui, c'est là, ça. Fou raide, là. Ah non, c'est à côté, tu sais. J'ai juste moins aimé le bout du genre de tournoi de golf à la fin. Ben, il rit de live golfing, là. C'est un genre d'affaire comme ça, mais ça, c'est poussé fois 1000, là. Mm. Ils ont un genre de ligue de golf weird, là. Ah, je savais pas que ça existait. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est ça, fois 1000, là. OK. L'autre meilleur gag, c'est le gars de cette ligue-là, justement, qui faut qu'il souffle son haleine, genre, pour débarrer une pop, ça marche en fart detected. Je suis plus capable chez nous. C'est le meilleur gag de tous les temps, ça, là. Des jokes de pipi caca. Ah ouais, moi j'ai embarqué. J'étais bien content. La musique du 1 qui est dedans. Ah oui, oui, la petite tune. Ce n'est que du fanservice et c'était parfait. Le Québécois gamer Etty Lutin. Oui. Qui se plug oui, partout. Oui. Dans notre podcast, nous aimons travailler avec la nostalgie et des moments cultes des années rétro. NES, Genesis, Jaguar. Donc, un podcast Jaguar, de gaming qui parle de Jaguar. En voilà un. C'est bon, un podcast ça. De gaming. Ça parle de Jaguar en plus. Quelle est ta génération préférée et quelle console as-tu préférée et pourquoi? Dans un deuxième monde d'idées, un épisode ensemble pourrait être épique. Nous travaillons dans le même secteur au niveau du podcast, mais nous sommes très différents. Bon show. Quand il veut dire même secteur, j'imagine... Les jeux vidéo. Les jeux vidéo rétro, donc... Probablement. Écoute, ben, et peut-être. Époque préférée, super NES, je pense, là. Ah, moi, c'est la NES, là, encore, là, et toujours. C'est mon époque fétiche. C'est mes souvenirs. Mais moi, je pense que Super NES, c'est là que j'ai loué le plus de jeux dans ma vie, là. C'était cette génération-là, parce que j'étais fin primaire, début secondaire, mettons. Ouais. Ouais, c'était le temps que j'avais un peu d'argent de poche pour aller me louer une cassette le samedi, le vendredi, là. Ouais. Ça, là, le vendredi soir, là. T'as là 10$, allez vous louer deux films et un jeu. Oh my god. Ah ouais, ah ouais. T'arrives au club vidéo, ils sont où les petits collants que je peux prendre avec le velcro là? Ouais, avec 10$, tu faisais toute une rumba. Ah ouais, tu peux te louer un jeu, deux films, puis t'as un gros popcorn, tu reviens chez vous, puis il y avait du change. Absolument. La belle époque. Là. Ah ouais, t'en avais assez pour t'acheter une gomme bazooka. On avait toutes, man. On avait des trios McCroquette à 1$, puis la pizza au McDo. Puis... Ah oui, c'était bon, la pizza. Au début, fallait. Je la trouvais dégueulasse, puis avec le temps, c'était carton, comme tabarnak, c'est bon, là, cette pizza en carton, là. Ils mettaient de la drogue là-dedans. Tu sais, on avait des beaux McDonald's dans le temps aussi. C'était oui, oui, couleur, tu là, vois c'est le Mii Master. C'est là, une prison, là. C'est ça pour vrai, là. Tout est dépressif aujourd'hui. C'est pour là, ça qu'on veut tout se pendre. Exact. Mais si vous venez chez Retro NTL, il y a de la couleur, puis des bonhommes. On apprécie. Pendez-vous dans le sol, mais pauvre chose. Mais faut que vous soyez très, très petit pour vous pendre dans le sol. Exact, faut que tu sautes. Faut-tu à genoux, là. Tu sautes, puis tu te prends les genoux dans les mains, là, puis tu donnes un grand coup. Il donne un grand coup de tête. C'est une drôle d'image. Ouais. Ah, bon. Je l'ai en tête, là. Charles Trudeau, quel jeu que vous avez aimé et que c'était trop dur pour le finir? Oh, j'allais dire Battletoads, mais aimes-tu vraiment ça? Ben, c'est correct, là, mais c'est plus parce que c'est difficile que tu joues. Là, ouais. Mais que j'ai vu que t'es trop dur. Trop dur. Des jeux que j'ai pas finis, j'ai dit fuck that. Peut-être des Mega Man, que je me suis pas rendu à la fin. Là. Ouais. J'essaie de penser plus récent, des jeux. Il me semble qu'il y a des. Je suis comme gêné de pas l'avoir fini. J'en ai abandonné beaucoup, mais c'était pas parce que c'était difficile, c'est parce que par manque de temps, souvent. Ouais. Plus que par difficulté. Là. Tiny Barbarian sur ah, ouais, Switch, ouais. J'ai. Au boss de fin, en fait, je suis comme tabarnak. ça suffit, là, j'y arriverai pas. Même Blasphemous 2, un jeu que j'ai adoré et que j'ai critiqué à Rétro Nouveau. Ouais, ouais. Puis, man, le boss de fin, là, c'était trop. Oh, mais t'avais pas tué quelqu'un, il fallait pas que tu te tues dans celle-là. Là. Ouais, mais ça m'a fait rater un bout d'histoire. Puis ça, j'étais en crise. Je me rappelle. Mais non, j'ai laissé faire ça. J'ai joué à Salt and the Sanctuary. Parce qu'il y a un auditeur quelque part qui dit « Faut que tu joues à ça ». Puis j'avais déjà joué, j'avais pas aimé, mais j'avais pas assez joué. Fait que là, j'ai rejoué, puis j'ai vraiment donné une chance. Ah ouais. Puis là, j'ai compris, puis c'est un Souls-like 2D. Là. Puis j'aimais ça, mais encore une fois, c'était un peu cryptique, je trouve. Ouais, puis là, ouais. Je savais comme plus où aller, puis là, j'ai dit « Fuck that ». Ça me tente plus de jouer à ça. Fait que j'ai abandonné ça. C'était dur aussi. Les Turtles au NES, non? J'avais du fun à jouer, puis j'ai fini ce jeu-là. Ah ouais, j'ai pris le temps. Faudrait que je prenne le temps pour au moins régler d'autres dossiers. D'autres dossiers à régler, là, encore. Là. Ben des dossiers. Une affaire à fouet, là. Patrick Paquin. Dans le temps, les jeux vidéo, les jouets et les cartoons étaient souvent un trio marketing qui servait de pub mutuellement. Quel est ton meilleur trio, ou selon toi, les trois instances... Ou les trois instances torchaient? Donc, on dit... Pub, film, jeu et pub. Jeux vidéo, jouets et TV. TV, jeux vidéo, jouets. Les Turtles. Batman. Jouets ou articles genre de collection. Ben, des jouets. Dans le temps là, de Batman. Il y avait des jouets de Batman. Ouais, mais j'ai en tête genre une tasse là, genre transparente chez SO, là, genre de Batman. Ouais, mais c'est pas là, un c'est jouet. Pas... Là, c'est... Non, ça c'est prend des action figures, là, puis des véhicules, là, puis des châteaux. Des véhicules, puis des châteaux. Moi, Iman, malheureusement, il n'y avait pas de jeu vidéo. Puis là, il vient d'en annoncer un. Les Bitmap Bureau vont faire un jeu de Iman, un beat'em up. Ça ressemble pareil comme Shredder's Revenge. Fait E-Man Shredder's Revenge. C'est très drôle. Ça vient d'être annoncé genre cette semaine. Donc ça m'excite un peu quand même. Là. Je dois dire que j'ai décollé de la franchise depuis fort longtemps. Je jouais avec ça quand j'étais un enfant. Puis j'ai jamais rien. Il n'y avait rien. À part un épisode de Toys That Made Us sur E-Man. Puis ça, c'était insane. Mais les Turtles, je trouve que c'est dur à battre. Effectivement, là. Transformers, il n'y avait pas de jeu vidéo des Transformers ici à l'époque, donc non. Ghostbusters, il y avait des jeux, des jouets des Ghostbusters, mais avec la tellement la slime, des affaires hyper créatives, des grosses faces. Ça, c'était fucking hot. Il y avait jeux vidéo, mais c'était Ghostbusters sur NES qui était la reprise d'un fucking jeu poche qu'il y avait sur Atari et qu'il y avait sur PC, je pense, une affaire bien plate. Puis Ghostbusters 2 sur NES, quand c'est arrivé au club vidéo, moi je regarde la pochette, je dis wow, yeah man, c'est pourri là, c'est pourri. Ghostbusters 2 sur Game Boy par contre, fucking bon là, c'est un top down game là, ça c'est Lethargic vrai. Monkey qui dit Beetlejuice, y a-tu un jeu de Beetlejuice? Ben oui, il y en a un NES puis au Game Boy. J'aimerais pas avoir vu des jouets c'est de Beetlejuice. Obscur, je trouve que c'est un peu obscur Beetlejuice. La lutte, ouais ben la lutte toujours là. Ouais. McKid, un bon Big Mac. McKid, ça rentre pas. Les Transformers, comme je disais, il n'y avait pas de jeu. Il y a eu du Pokémon, peut-être. Quoi qu'il n'y ait pas eu moins de films. Il n'y avait pas de film à l'époque, vraiment. Ouais, à l'époque, ouais. Okay, ouais. Mais quoi d'autre? G.I. Joe. Mario pas eu de film non plus, ouais. G.I. Joe, il y a eu des films de G.I. Joe. Ouais, Mario, il y a eu des films en jeunesse. Mario, film en real life. Là, mais ça compte pas vraiment. Il y avait pas de jouets de Mario vraiment. Non, il y avait des petits Goombas avec des springs sèches. Là, genre, qui au McDo, là, mais tu sais, il y avait pas des action. Ce que je pense, le film de McDo, dans le fond, ouais, effectivement. Rambo, il y a pas de jeu là-dessus. Ouais, il n'y avait pas de comique à TV. Ah, il y en a eu, mais ça n'a pas été la grosse affaire. Les Schtroumpfs. Non, pas de... Ghostbusters, Turtles. Ghostbusters, Turtles. Jurassic Park? Ben, il n'y avait pas de série à TV. C'est pas de série TV? C'était des films. Ouais. Parce que là, j'avais jeu, film, puis... Il dit cartoons. Bonhomme, ça te prend un cartoons. Ghostbusters, Turtles, c'est eux autres qui gagnent. C'est pas mal ça, là. Sébastien Patterson. Patterson. Penses-tu que la microbrasserie Pixel va revenir? Non. J'ai pas parlé à Étienne depuis longtemps, mais non, je pense pas. Là. Je pense que tu sais, il avait arrêté, puis là, ça commence à faire une petite bout. Ouais. Puis j'ai pas l'impression. Il doit encore aimer la bière et tout ça, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas parlé. Je fais juste penser. Hein. C'est mon feel. J'ai pas l'impression qu'il va revenir dans le monde brassicole. Mais on leur remercie pour ses vaillants services. Hey, ouais, on a bu de la Pixel ici. Ouais. Et puis, ben, il nous en reste une. Il nous reste encore une belle bombe dans le frigo. On la garde pour les moments clés. Pour un moment spécial. Ouais. Dans le chat, avez-vous écouté le Gamescom 2025 Resident Evil 9 et un jeu Halloween basé sur le film de 78? Ah ouais, non, je savais pas. Non, rien vu de tout ça. Resident Evil 9, ok. Mm. Un nouveau Resident Evil. Ouais. Oh. Sébastien, non, Simon Lahaye. Simon non. Lahaye. Oui, non. Oui, ouais, Simon Lahaye. Êtes-vous heureux dans vos vies? Avez-vous le bonheur facile? C'est une question très deep, ça. Mm-hmm. C'est dur à répondre. Très courte et très deep. J'ai de la misère à répondre à ça, pour vrai. J'ai de la misère à répondre à ça aussi, parce que... C'est quoi être heureux aussi, tu sais, c'est... Ben, moi, j'ai le bonheur facile au sens que si on va quelque part, je trouve tout le temps de quoi de divertissant, funné. J'aime être à des places, tu sais, je... Amène-moi dans le champ, je vais regarder les fleurs, puis je vais dire, c'est cool, ces fleurs-là. C'est quoi, ces fleurs-là? Tu sais, je suis curieux, puis j'aime tout dans ce sens-là. Mais est-ce que je suis heureux, tu sais... Je me questionne tout le temps aussi, sur plein d'affaires. Très anxieux, je passe mon temps à me questionner. Non, c'est ça, je me questionne. Je suis déprimé? Non, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ma tête arrête jamais. Ouais, moi aussi, c'est ça. Là. Fait que ça, c'est dur. Là. Je sais pas, mais des fois, j'ai des amis qui disent ça. J'aimerais ça être un imbécile heureux. Je dis ça tout le temps, moi aussi. C'est le fun. Bien, bonne vie simple, comme pas rien. T'es pas. Tu lis rien, tu t'intéresses à rien, tu te questionnes sur rien. Tu sais, un imbécile heureux. Ouais. Mais en même temps, tu le saurais pas que t'es un imbécile heureux. T'sais. Ouais, et puis c'est pas nécessairement heureux non plus. Non, mais t'es pas heureux, mais c'est ça. C'est pas pareil. C'est difficile à répondre, ça. C'est difficile. On va dire non. Sébastien Trottier. Trottier. Trottier. Trottier. Le ciné techno. C'est quoi votre plus grande crainte dans l'industrie du jeu vidéo pour les années à venir? Autre que les jeux soient tous digitaux, celle-là est trop évidente. Moi, j'ai pas de crainte. La surabondance, peut-être. Parce qu'à un moment donné, on pourra pas jouer à tout. Là. Il y a trop d'affaires, présentement. Là. Mais le monde va les acheter pareil. Oui, même ouais, s'ils joueront pas. Oui, mais la crainte à nous autres, c'est qu'on va manquer des jeux qu'on va peut-être... On aurait aimé qu'on jouera pas parce qu'on manquait de temps. Manquer de temps est beaucoup ma crainte, plus que le... La crainte, c'est de vivre du FOMO, là, genre. Beaucoup, beaucoup de ça, là. Il y a trop d'affaires, il y a trop de séries télé, de films, de jeux, il y en a trop maintenant, là. On peut plus penser tout voir, là. Puis on n'est plus dans un monde comme avant que... Genre, tout le monde écoute ce film-là qui passe à la TV demain, puis on en parle, tout le monde à l'école, genre. Ouais. Ça, on est plus... Ça Jurassic plus. Park, ça genre. Existe plus, ça, ce monde-là. Ça. C'est fini, là. Non, t'as raison. Il y a trop de tout. C'est ça. Tout est compartimenté, là, aussi. Là, c'est... Mais est-ce que ça dérange? Non, non. Ça fait travailler des gens, hein. C'est ça. Les gens qui aiment les vacances l'été. mais oui. Puis là, en contrepartie à ça, tu pourrais te dire... On pourrait se dire, ah, les jeux vidéo, c'est rendu une trop grosse business. T'sais, c'est toutes des grosses affaires. Mais non, parce qu'il y a fucking. Il y a Yuzo fucking Koshiro qui fait un shmup qui sort de nulle part. Qui sort sur Genesis, genre. Ben oui, man. Puis le jeu physique reste en vie parce qu'il y a des compagnies, puis des passionnés. Ah ouais. Puis il y a du monde qui développe des jeux pour le Homebrew sur pas Commodore. Pas l'univers qui est mort, qui est en déclin, je pense, en ce moment, là, du tout. Là. Non, la Vectrex... La Vectrex Mini, un fucking Kickstarter. Ça j'étais pas le croc quand j'ai vu ça. Ben oui, ça, c'est hot. Atari est plus grand que jamais. Ben, les vieilles affaires Atari qu'on qui aime. Revient, l'Amico est disparu. Tout va bien. Elle n'a même pas disparu. Ah non, non, ils ont recommencé à donner des nouvelles. Wow. On lâche pas. Ah, ils tiennent à pas grand-chose d'autre. Exact. Fait que tout, même les vieilles affaires, on pourrait dire, ah, tu sais, ces vieilles affaires-là, ils sont encore toutes là. Il y a des revivals de tout. On l'a vu, le Atari, là. Tout, exact. Ça, c'est la preuve que tout est vivant encore. Là, fait. Absolument. Puis tu veux jouer à un jeu Destination Earthstar sur NES, puis t'as plus de net, t'as plus rien. Ben, il y a des ROM qui existent, puis whoop, il y a une Analog Pocket. Ben tu peux mettre une ROM dessus. Tu sais, tout est possible encore. Nintendo continue de sortir sur leur store. Des consoles rétro puis encenser leur héritage, tu sais, fait que man, pour vrai, moi je vois pas aucun problème. Non, je suis pas inquiet du tout là. Pas inquiet. Bon, un jour il y aura plus de consoles carrément, je pense. Non, mais les jeux vont continuer d'exister pareil. Tout va être sur le cloud. On les avoir dans notre tête. Là. On les aura par injection là, comme on a déjà parlé là. Oui, exact. Yannick Martin. Ma première console a été la Leisure Vision, avant ma NES, dans les années 80. Avez-vous déjà essayé ça? Vous en pensez quoi? J'ai jamais possédé de Laser Vision comme console qui m'appartenait. Ben, ça n'a pas rapport à ce que je dis. J'ai jamais eu ça comme console quand j'étais petit, mais j'ai possédé une Laser Vision en boîte comme ça, exactement ça. Ah ouais, wow. Super propre, qu'on a racheté dans un lot un moment donné. Ça me dit quelque chose de pire. Puis je l'ai gardé chez nous. Avec puis j'avais une batch de jeux, là, puis je notais ça dans mes documents de collection, puis tout. Puis j'ai joué un petit peu, rien que pour la tester, puis c'était un peu rough, là, quand même. Puis en sous-question ici, en fait, il y a des gens qui répondent. Benoît Landry dit « Les jeux Vision est une version rebrandée et licensed au Canada de la Arcadia 2001 de Emerson. » Ah ouais. Alors voilà, et Yannick de répondre « Je sais, mais merci. » Il était pas passif-agressif, il y avait un petit bonhomme sourire. Donc oui, la Arcadia 2001 de Emerson, ça c'est la vraie affaire. Puis au Canada, ils ont changé le nom, puis ils ont appelé ça la Léger Vision. Et puis, il y a des jeux, tout ça. Moi, j'ai tout vendu ça à notre ami Nicolas Robillard. Ouais, et puis, elle marchait, puis c'était... c'est ça, c'était un peu plus broken que... C'est rough à jouer un petit peu. Rough around the edges. Ouais, plus que Zotari, là. Ça. Ouais, vraiment. Mais c'est cool. C'est une cool chose. T'as-tu vu sur la Vectex Mini, ils ont genre les overlays? J'ai même pas regardé rien. T'as pas vu? Ça. J'ai vu la nouvelle, mais j'ai pas regardé. Il est un peu petit, là. Puis genre, il y en a là, je sais pas si c'est électronique ou c'est des feuilles que tu mets, mais ils ont remis les overlays, là. OK. Des vrais overlays qu'il faut que tu mettes toi-même. Je sais pas si c'est ça ou c'est dans c'est un hologramme. Peut-être, là, je sais pas trop, là. Mais j'ai vu ça jusqu'à un bout. Oui. Ça va directement sur le bord chez nous, là. Ah, ça, c'est hot. Alors, Julien Vachon. Toujours aimé. Ah ben là, il y a des commentaires sur ma photo que j'ai mis pour le post. Il y a Simdom qui dit que le Carnot va l'air beau. Il est propre. Je l'ai upgradé une fois avec le temps. Il est pas parfait, mais puis c'est un vieux, hein. Carnot, c'est vieux, là. C'est dans les early releases de NES quand même. Là. Fait que trouver des boîtes propres de Carnot, c'est difficile. Mais le mien est pas pire. Julien Vachon, qui m'a écrit personnellement pour me dire qu'il était un Joselois. Okay. Donc, une personne de Saint-Joseph-de-Beauce. Wow. Parce que dans un épisode, il n'y a pas longtemps, j'ai dit que je venais de Saint-Joseph-de-Beauce. Puis, il ne savait pas. Okay. Donc, mais j'ai parlé de ça. Mes origines, j'en parle ici et là, tout au long de toutes ces années-là qu'on podcast depuis 15 ans. Et puis, 14 ans plutôt. Et puis, mais lui, il l'entendait pour la première fois. Fait qu'il m'a écrit, il dit « Hey, j'ai aussi Saint-Joseph, c'est bien malade, ça. » Fait qu'on est comme « Hey, man, what's up? » Mais il est plus jeune que moi, je pense. Fait qu'on s'est pas connus là-bas. Mais j'étais très content de voir que Saint-Joseph de Beauce, 5000 habitants, peut-être 6 à cette heure, je sais plus, represent, tu sais, comme on a un auditeur là-bas, tu sais. Fait que je trouvais ça beau. Qui écoute du monde de Montréal. On sait bien, esti, le monde de Montréal. Puis moi qui blasse contre la Beauce en plus, des fois, ça me semble. Mais bon. Alors, super gentil, Julien, merci. Nice. Et puis, son commentaire est toujours aimé la pochette de Battletoads. Lui aussi qui fait référence à ma photo que j'ai mis. Et puis, moi aussi, j'adore. Ce que j'aime de Battletoads aussi, c'est le rose. Il y a beaucoup de rose. C'est le rose flash, le vert flash avec un bleu foncé en arrière. Le choix de couleur est très, très, très beau. Là. J'adore ça. Là. Alex Morancy, c'est quoi le dernier jeu que tu as acheté? Ah, c'est. Faut que j'aille sur mon Steam. Je sais pas. On va voir. Qu'est-ce que j'ai acheté, man? Steam App. J'ai acheté. Je voulais acheter Shantae en version digitale pour y jouer au plus vite. Mais. Toutes mes amies disent. Puis Ninja Gaiden Rage Bomb. C'est comme dit. Ça sort bientôt, là. J'attends le physique. J'attends le physique de Shantae. J'attends le physique de Earthion. J'attends le physique de, de fucking Ninja Gaiden Rage Bomb. Tout ça va sortir en même temps. Et là, il va falloir que je joue à tout ça. J'ai acheté. Il y avait la vente d'été cet été. J'ai acheté Asterix et Obélix Slap Them All. Si, OK. C'est un jeu de beat'em up Asterix et Obélix. Ça a l'air très moyen. On le jouera au WEG à Monday. On l'essayera au WEG. J'ai acheté Kona, le jeu québécois là, de je pense que c'est un genre de point and click d'aventure que c'est Guinadon de narration dans l'hiver. Je vais faire ça bientôt. Ikaruga, évidemment. Là, je l'avais dit l'autre fois. Là. C'est pas mal ça. C'est mes derniers jeux que j'ai acheté récemment, ça. Ikaruga. Ikaruga. Une pièce à 92. D'ailleurs, notre ami Pierre-Alexandre Palace. Il a annoncé le quatrième volet sorti, je pense. De Québec Mortis. Ouais. Donc, c'est disponible si vous voulez jouer. Il faudra que tu le fasses. Faut que je le fasse, effectivement. Exact. Puis là, il savait pas où ce qu'il s'en allait après ça, prochain développement. Je pense qu'il a fini son aventure de Pico 8. Ouais, là, il cherche quoi faire. Il checkait Playdate, peut-être Pico Tron, qui est genre le, la version plus de Pico 8, là, genre, qui est en widescreen. Là, pourquoi il fait pas un jeu NES? Je sais pas. On va lui demander. Pourquoi il, il jase pas à notre ami Michael pour travailler sur son chemin? Tous ces gens-là devraient faire le jeu de la chasse-galerie. Là. C'est, ouais, c'est ça, là. Non, mais on va tout être au WEG. On, okay? On va se faire un studio interne. Il va y avoir un palace. Il va y avoir Michael. Il va y avoir Joe Millette, notre partner ici chez Retro MTL, qui fait des illustrations, qui a été mandaté par Michael aussi pour faire des illustrations pour, okay, son jeu. Puis là, il y a moi là, qui fait rien. Mais, t'as genre moi pis Lick du AI sur le site là, qui, exact, peut aider. Là. Moi, je peux faire du graphic design puis aider sur le marketing. Puis là, on va se mettre chaud puis on va brainstormer puis on va réinventer le monde avec, oh, ce, ouais, jeu-là. Puis on va se mettre... Là, on va oublier qu'il fallait qu'on fasse un jeu à la fin. Puis là, le lendemain, on va tout oublier ça. Ouais, personne va prendre note. Faut qu'on s'assoie puis qu'on passe un bon moment autour de ça. Ben, des affaires qu'il faut qu'on fasse. J'ai très hâte. Jean-François Joly. Hector dit qu'il va rouler 3 Civic avec des moteurs Spoon. T'en penses quoi? Je pense que je viens de te parler. Je comprends pas la question. Turbo Kid, ouais, qui est sorti aussi, là. Turbo Kid, en effet. Papier Julien qui se maliste encore. Là, Oui, Papier Julien de Bernatché. Faut que je le fasse, là, ça, là, pour vrai. Là, c'est... Ah, bien, on parlait du podcast de Jay Alain tantôt. Je suis en train d'écouter présentement l'épisode avec Julien Bernatché qui explique sa cirrhose du foie, grève de foie, tout ça, son alcoolisme. Alors, c'est absolument fascinant. Très heureux qu'il s'en soit sorti, bien sûr. Et puis, il a de l'air bien. Alors, ouais, tant mieux pour ça, lui, j'en ben content. Là. Mais oui, ça va être fait, Papier Julien, à un moment donné. Faut que j'embarque là-dessus. Le schma a pris toute la place dans ma vie là, pendant 2 semaines. Mais il fallait le faire en priorité. Ouais, puis j'étais très content de jouer à ça. Ça m'a ramené sur le gaming. Là. Tu vois, je me suis mis des étagères pour ressortir mon kit de jeu. Là. Absolument. Fast and Furious 1 pour Hector. OK, ben on va y revenir. Mais okay. Je voulais juste dire aussi, pour finir avec Papier Julien, les vinyles sont disponibles chez Retro MTL. Si vous quittez, ce sera acheté par moi. Quand je vais venir faire un petit tour pour me pogner des cassettes de Thaï, là. Oui. Bientôt. En fait, même bientôt. Avec mon gars, quand je sais pas quoi faire. Magazine les plus beaux labels quand même. Là, ouais. C'est satisfaisant. Ouais, ouais. Hector, donc dans le chat, on dit qu'Hector est dans Fast and Furious 1. Là, c'est-tu une référence? C'est-tu une quote du film, ça? Bonne question. 3 Civics avec les moteurs Spoon, parce que dans Fast and Furious 1, il y a 3 Civics, c'est elles qui font des vols de char. Ouais, ouais. Et puis moi, j'ai joué à Grand Theft, Grand Turismo 3, et puis il y a un Honda S2000 Spoon là-dedans. Ah, wow. Alors, Honda S2000, ouais. Ouais. Alors, c'est hot, les Honda S2000, j'aimerais savoir ça. Et puis donc, les moteurs Spoon, c'est comme. ça a l'air d'être ça a l'air d'aller dans un Honda, ça, en tout cas. OK. Fait que bref, Jean-François, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est genre une quote de nowhere, comme un random. Je sais pas pourquoi. C'est quoi le lien? Parce qu'il n'y a pas de photo de jeu de char dans mes. Je sais pas. Mais écoute, on accueille tout. Oh, on aime ça. On le prend. Dan Trem. Donc, c'est plutôt un nom, ça, de professeur. Daniel Tremblay. C'est voilà. Ça! Il est professeur. Ah, une autre personne de la fonction publique. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Quelle saga de jeu. Quelle saga des jeux de consoles antérieures aimeriez-vous vraiment voir une genre de suite ou remake fait sur la Switch ou PS5 ou Xbox? Comme par exemple, dernier TMNT Shredder's Revenge sorti ici pas très longtemps. Donc, des jeux de consoles. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils soient refaits, ces consoles modernes? Crazy Taxi. Ça doit être pas loin du modèle. On a déjà quand même répondu une couple de fois à ce genre de questions. J'essaie d'être original, puis je sais même plus. Là, on ne sait plus. On est plus capable d'être original. Tu sais, man, des jeux... Bay ou Billy, on l'a déjà dit. Il y en a tellement. C'est Bay ou Billy. Désolé, man. Je suis vraiment désolé. En plus, je pense que c'est la première fois qu'il écrit. Ah, c'est un super... Il y a le diamant super fan. Ben, pas mal tout le monde l'ont. Mais non, toutes des fans super. Ils sont tous super. Vous êtes super. C'est nous autres qui est poche. On est trop brûlés pour être capable. Il est 10h10 pour ça. Ah, il est 10h10. Il faut rapper. On rappe ça. Nicolas Lachapelle, le gars de la balle molle. Il a balle mollé sûrement. Il n'en a pas parlé. Ça doit achever. Avez-vous de l'intérêt un jour de creuser certaines librairies d'ordinateurs rétro méconnus pour des jeux de qualité comme la MSX, la Commodore 64 et les Amiga. Moi, j'aimerais beaucoup ça. Oui, hein? Moi aussi, Ellie, à un moment donné, il a amené des affaires de même. Puis là, on testait un peu. Puis là, c'était weird. C'était pas vraiment le fun, mais c'est le fun à explorer, tu sais. Juste du vieux PC, genre Good Old Games, il y a plein de vieux jeux là-dessus. On pourrait faire une critique d'Incredible Machine à un moment donné, là. Ah oui, de l'original. La vraie, là. Ouais, moi, j'aimerais ça, là, si j'avais accès à tout ça, là. Ouais, Atari 800, man, puis tous des vieux ordinateurs. Ah, moi, j'en ai pas qu'à là-dessus, ce serait le fun pour eux. On a un Atari 800 ici à vendre chez Retro MTL, et puis ça vient avec Kix puis E.T. Je savais même pas que E.T. il y avait autre chose que la version 2600. Okay. Ils l'ont fait aussi pour. Comme, puis nous autres, on le vend avec. Puis c'est carrément autre chose, là. Il marche dans le neighborhood. Ah ouais. Ah, man, c'est fucké, là. Fait que, définitivement, Nick, on adorerait diguer là-dedans. Laurent, à qui t'as acheté ton arcade, comment faire pour avoir le parfait équilibre de prix de la livraison avec le service de son entreprise? Eh boy, ouais. Ben, nous, on fait affaire qu'avec Post Canada. Et puis, parce que sinon, là, c'est trop compliqué. Mais on pourrait rentrer d'autres services de livraison pour, mettons, Montréal. Tout ce qui est à Montréal est livré par autre chose que Post Canada. Ouais, ouais. Fait que là, ça pourrait aller plus vite. Mais Post Canada va quand même très, très vite. Mais ça coûterait peut-être moins cher que Post Canada. Cependant, nous, on a un prix avec Post Canada parce qu'on leur donne du volume. Fait que si on commence à leur en enlever pour répartir ça à travers 3-4, ben là, Post Canada va nous faire un moins bon deal. Fait que c'est ça. Alors, nous, au final, on donne un prix fixe pour le shipping. Peu importe le colis, c'est 12$. C'est pas vrai, parce qu'il peut y avoir des ajustements là, parfois si c'est une grosse affaire ou si t'habites loin ou whatever. Mais grosso modo, quand tu payes du colis, du shipping, je retrouve une TS, c'est 12$. Puis des fois. Avec le volume, ça se rebalance, genre, j'imagine. Là, ça se balance. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Des fois, ça coûte 15$. Ouais. Mais des fois, ça coûte 9$. Fait que, tu sais, au final, on peut pas. On fait pas un prix. C'est ben trop compliqué de le faire, tu sais, ajuster à chaque. Ouais. C'est pas possible. Fait qu'il faut vraiment que nous, on dicte un prix, puis c'est ça le prix. Ouais, parce que ça va avec la grosseur du paquet aussi. Pas tant le poids, mais la grosseur aussi. Si les jeux sont plus gros, ça s'empile, ça rentre dans une boîte à lettres. Exactement. Ouais. Mais aussi la destination. Fait que, mettons, aussi, toi, t'achètes un jeu Switch, il faut le faire livrer chez vous, ça arrive sud. Ou quelqu'un en achète un à la baie d'Ongava, et ça arrive. Pour le même colis, ben of course, toi, ça va coûter 9$, puis l'autre, ça va coûter 17$. Ouais. Fait que c'est ça. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Puis au final, faut que ça. C'est ça. Puis par ailleurs, ici, on a la livraison gratuite pour tous les colis de 100$ et plus. Fait que ça, c'est nous qui le paye à chaque fois. Ouais. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a énormément. Ouais, mais ça, c'est un incitatif. Ben oui. Fait que on a énormément plus de commandes parce qu'on fait ça. Le monde, il se rend jusqu'à 100$. T'es à 80, t'es comme, rendu là, c'est même pas une idée de quoi d'autre. Exactement. Là. Mais là, nous autres, c'est nous autres qui les payent, là, toutes ces 9$, 17$-là. Tu sais, puis c'est la promo qui nous coûte le plus cher, là. Tu sais, parce qu'on paye tout ça de notre poche. On paye ça à Post Canada. Mais en même temps, ça nous donne du volume. Fait que c'est difficile de mesurer ça serait quoi, parce qu'il faudrait le tester. Faudrait comme. Augmenter le shipping à 120$ pour que ça soit gratuit, voir qu'est-ce que ça donne, tu sais. Fait que, mais bref, on a un bon. Je pense qu'on a un bon range là, présentement de rentabilité par rapport à ça. Puis 12$, je trouve que c'est quand même pas cher là, pour quiconque. Là. Le monde se font livrer affaires à 12$ à Montréal, tu sais. Le monde paye 12$ à Uber Eats, tu fais livrer du McDo. Là. Exactement. C'est tu fais livrer des Toast et Martens pour 12$. Ah, c'est ça, là. C'est pas trop pire. Jérôme Mayotte. On vient de finir Arcus Odyssey sur Genesis d'une traite en mode co-op. Y as-tu joué et t'en penses quoi? Curieux d'avoir ton opinion. Aussi, on s'en cherche des similaires. As-tu des jeux semblables que t'as bien aimé à nous proposer? Merci bien. Fred avait fait une critique de ça à Rétro Nouveau, il me semble. De Arcus Odyssey, ouais? Ouais, il me semble que oui. Et puis, c'était un bon petit jeu co-op, ça, en effet. Ouais, Fred, il l'a fait, ça. Je me rappelle la vue isométrique, là. T'es dans un épisode que je sais pas là, ça. Ça se peut. Ça me dit rien, en tout cas, d'avoir vu ça. Là. On était chaud sur la pixel. C'est un genre de gunplet. Peut-être aussi, ouais. C'est ça. Mais non, j'en ai entendu. Ça, faudrait que je le fasse au WEC, ce jeu-là. Ça fait longtemps que je veux jouer. Écoute, man, c'est ça. Donc, très bon jeu. Fred l'a critiqué. Faites une recherche Rétro Nouveau Arcus Odyssey. Vous allez tomber sur la critique de Fred. Ça doit coûter cher, ce jeu-là, d'ailleurs, Genesis. Mais d'autres jeux du genre, qui est un genre de top-down, tu sais, Gauntlet, là, c'est vraiment ça, là. Un jeu top-down de bataille niveau par niveau, comme ça. Je sais pas. Je suis désolé, ça me vient pas. On va essayer de garder ça en tête. On va y penser, ouais. Stéphane Talbot, dans quel jeu seriez-vous le plus difficile à battre si on jouait contre vous? Street Fighter 2 contre Matt Chun-Li, très difficile. Sean Palmer, Pro Snowboard, si on joue à Horse, je suis imbattable. Nice. si on joue, faut finir un à côté de l'autre sur deux TV différents, Castlevania 1 ou Contra, NES. Donc, n'importe quel de ces deux jeux-là, je peux être pas mal rapide. Wave Race, pas payé. Ice Hockey au NES, sérieux, je suis très difficile à battre. NHL 94, j'ai des bons skills. Ils ont fait l'épreuve du temps, là. Skate or die. Mais là, qui veut jouer à ça à part moi, ça atteint. Ouais. Skate or die au NES, ouais, je suis capable de vous battre dans toutes les épreuves, surtout la poule avec la très bonne musique. Ouais, c'est pas mal ça. Alex Neveu, Monseigneur lui-même, comment vont les Carpiens? Ils vont très bien, les opérations au tunnel Carpien. Je sens encore une petite sensibilité quand je touche, mais that's it. Là, j'ai plus tout ce qu'elle t'avait repiqué avec un scalpel. Là, ouais, mais ça, c'est rien. Moi, elle m'a refendu un peu, mais ça l'a pas creusé. C'est pas compliqué. Ça a pas tout ouvert. Ben, Chris. Mais laisse-moi faire. Je vais prendre un coupe-fil. Ma blonde, elle a un coupe-fil à la maison pour la couture. Je vais m'enlever ça moi-même. Obligé de perdre mon temps. Anyway. Mais non, ça va très bien. Donc, plus d'engourdissement. Donc, je peux me lever le samedi matin et gamer immédiatement. Ouais. Café-banane. Café-banane gaming. Earthion, c'est un jeu de café-banane. Ouais. J'étais très bon le matin quand je jouais. Là. Ah, c'est ça. C'est là que je l'ai fini aussi. Pas, pas avec une bière dans le nez. Non, j'étais fatigué, là, c'est difficile. Avant-dernière question, JC Coyette. Salut les gars. Gars. Quelle franchise rétro? De tout genre, années 80 et 90, aimeriez-vous faire découvrir à vos enfants? Certaines d'entre elles sont toujours présentes ou reviennent en force ces temps-ci, alors je vous pose la question à savoir si vous comptiez revenir en arrière pour mieux apprécier le futur. Bonne soirée, continuez votre bon travail. Je veux juste mentionner aussi que j'ai vu JC Goyette à l'Otakuton. Il a passé au bout de... Il faisait de la costumade? Oui, il faisait de la costumade. Et puis, j'étais pas sûr sur le coup, fait que j'ai pas, je l'ai pas interloqué. Mais après ça, j'ai comme osé. Alors voilà. Désolé si j'ai eu l'air de pas vouloir te parler ou whatever. C'est que je voulais juste être sûr. Mais merci d'être passé, d'ailleurs. C'était bien le fun de jaser. Et pour répondre à cette question-là, qu'est-ce que je veux faire découvrir à mes enfants comme franchise des années... Top Gear. Ah, OK. Creux de même. Oh, Top Gear. Ça, je faisais penser à des intérêts de mon gars là, pour les chars. Là, fait... Ouais, hein? Ben moi, c'est parce qu'ils veulent pas jouer. Mon plus vieux, il jouera à rien. Mais mettons, ce que j'aime, c'est mettons, il joue à Fortnite avec ses chummies. Puis là, il y a comme un spécial, il y a les Turtles dans Fortnite. Ah, fait que là, il prend Donatello. Mon gars, les Turtles sans sac, là. Il a jamais joué à ça, il a vu un film une fois, whatever. Mais là, il prend Donatello. Fait que ses enfants sont bâton. Poussés dans sa gorge. Puis là, il trouve ça nice. Fait que là, moi, je suis comme, ah, si tu savais, mon garçon, tout le lore de ton père qui connaît les Turtles. Fait que, tu sais, il découvre des affaires de même. Fait que ça me plaît. Je crime, man, des franchises de jeux vidéo. Mario, mais tu sais, il va découvrir par défaut, ça. Là, ouais, mon plus jeune, ben, qui a 12 ans, là, je le rappelle, il aime se faire une game de Mario 1 de temps en temps. Ah ouais, waouh! Ouais, ouais, pour essayer de battre son record. Il est pas très bon. C'est difficile pour eux. C'est pas facile pour elle. Mega Man, tu sais, Castlevania, j'aimerais ça passer ces franchises-là à mes enfants. Mais tu sais, c'est le genre de jeu. Ils sont pas intéressés. Même Mario 1, c'est le genre de jeu qu'il faut que tu grindes, tu mets du temps pour apprendre tes skills et devenir bon. Puis on est tellement dans genre, le genre de fast-food de toi, ta soeur, ils n'ont pas patience de ça. Là. Zéro. Hein. Puis c'est pas de leur faute, son nid. Non, c'est ça. Là. Fait que, ouais. Cyclone dans le chat qui dit, est-ce qu'il y a des influenceurs qui approchent Retro MTL pour avoir des commandites? Ah, il y en a. Ah ouais? Mais pas des gros influenceurs. Les gros influenceurs. Ça sent ça à bouffe, non? Les toasts, c'est moi qui les vire fou. Peut-être c'est une crise cardiaque, ça? Ça se pourrait. Les gros influenceurs, ben, comme, sent, ouais. mettons, Gurky ou whatever, ouais, ouais. C'est plus nous qui on voudrait aller. Mais les commandites, man, c'est pas un modèle de pub qu'on est très friand. Ouais, pour vous autres, là, ouais. T'sais. Parce qu'on n'a pas de retour sur investissement, tu sais. On n'en a pas vraiment. On le sent pas, tu sais. Puis mettons... Personator là, qui speedrun là, sur Twitch là, qui est excellent là, Christian Audette là, même si on le commanditait tout le monde ben c'est pas vrai ça, je connais pas, je peux pas dire que je connais assez son public ouais, ouais. mais mettons son public québécois ils nous connaissent déjà ben, c'est le monde qui s'intéresse à ça. T'es un influenceur de jeux de rétro, t'es rendu là, c'est quoi? C'est, ben là, ouais, tu connais un peu l'univers du jeu rétro si t'es rendu là, là. Tu nous connais déjà, fait que tu sais. Fait qu'il faut aller ailleurs. Fait que Gurky, on a payé pour Mike Ward à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a rien donné, ouais. man. Ça a donné fuck all. Fait que, tu sais... Puis, des fois, il y a des plus petites choses, genre, je dis n'importe quoi, là. J'invente une affaire. À Tétroville, il y a un week-end où est-ce que les jeunes sont invités à aller sur place pour vivre un camp quelconque. Ouais, ouais. Puis là, ils nous ils écrivent, tu sais, est-ce que vous pouvez nous, on peut-tu vous louer, tu sais, ou pouvez-vous nous prêter? Ça, on en a tout le temps. Ouais, ça, j'imagine là. Bien. Puis, tu sais, je veux pas être désagréable, mais c'est de la gestion, ces affaires-là. Ouais, puis ça, tu c'est pas payant. Le matériel mais c'est aussi, pas tout le matériel. Ouais. Des fois, on le fait, certains, on fait des choses, mais c'est parce qu'il y a une notion de temps. Là, ouais, ouais, ouais. On est tellement occupé que c'est clair, gérer ces affaires-là, on n'aime pas ça. Là, puis il y a même le Festipod aussi, le festival de podcast, là, tu sais. Mais c'est faut leur donner beaucoup d'argent puis, selon les barèmes qu'ils veulent. Puis. Encore une fois, tout ce monde-là nous connaisse. Et puis, tu sais, on met notre argent publicitaire ailleurs que dans les commandites. Vraiment. Donc, voilà. Dernière question. Benoît Landry. On sait que tu nettoies tes nouvelles cassettes avec expertise quand tu les obtiens. Mais est-ce que tu fais de la maintenance ou entretien de tes cassettes existantes? Y a-t-il des impacts du temps sur les cassettes desquelles il faudrait être vigilant? Ça, c'est intéressant. Genre, c'est tel produit... T'as acheté une cassette il y a 10 ans, t'as pris tel produit. T'as nettoyé le board avec l'alcool à friction. Faut que tu fasses un job dessus, ouais. Est-ce que le board est tout rouillé parce que t'aurais jamais dû faire ça, tu sais, puis on a vu avec le temps que c'était pas bon. J'ai pas vécu rien de ça, j'ai rien remarqué de ça. Par contre, tu sais, c'est parce que je remets pas mes cassettes dans... Je joue pas avec mes cassettes, tu sais. Il y a ça, là. Il y a un petit peu ça. Mais faire de la maintenance de mes. Enfin, pour les produits, j'ai rien remarqué. Mais pour faire de la maintenance de mes affaires, ça, j'aime bien ça, tu sais. Puis toutes mes affaires sont propres, mais des fois, en faisant des upgrades, je sors un jeu, je me dis, coudonc, il y a de la poussière là-dessus. Tu sais, j'ai pas... Il reste des petites choses. Il y a toujours de quoi faire. T'sais. Il y a tout le temps de quoi faire. Je me dis, à un moment donné, je vais m'asseoir comme un moine, là. Je vais avoir mon poste avec une lampe puis mes produits là, dans le sous-sol là, quand mes enfants vont être partis ou whatever, puis je vais tout repasser mes jeux un à un. Ouais, ouais. Puis là, je vais refaire mes listes comme il faut d'upgrade, puis je les fais quand même au fur et à mesure, mais je vais peut-être avoir des ajustements, revérifier que tout est là et refaire tout un nettoyage en profondeur de tout, absolument, nettoyer les boards. Parce que je m'en tirerai pas. Ben là, mettons, des jeux que j'acquière, soit que je les ai déjà, je fais juste des upgrades, mais je nettoie même pas les boards. Là, comme, je nettoie mais je les teste pas. Je les mets dans ma bibliothèque. Tu nettoies le front, mais pas l'intérieur pour pas l'intérieur. Ouais. Jamais. Fait que peut-être j'ai plein de jeux qui marchent. Ben, j'ai sûrement mon Spike McFang au Super NES, la batterie est morte. Non, attends, elle manque Chris parce que je joue, sur ma console analogue, là, tu sais. Ben, je manque Chris. Ouais, non, je perdrai pas de temps à changer la batterie. Mais c'est ça, j'ai peut-être plein de jeux qui marchent même pas, j'en ai aucune idée. Mais par expérience, pour tester des jeux ici en quantité industrielle, les jeux, ils marchent presque tout le temps. Tu sais, c'est rare que les cassettes, ils marchent pas. Ouais, ouais. Alors voilà. Wow. Ça conclut les questions. On va s'en aller ici. Voilà. Ces bières-là se sont bues. Hey! Moi, je bois moins la semaine à cette heure, puis à soir. Moi, je bois pas la semaine. Ça me tente. Moi, je bois jamais, sauf ici. Ah, moi aussi, ben, j'ai. Ben, ou quand il y a un événement spécial. Là. Oh, ben oui, là, mais chez nous, je ne bois pas de bière le soir la semaine. Là, ça, c'est rare. Là. Moi non plus. Le vendredi, par contre. J'aime bien. Oh, ça arrive, ça, moi aussi. Un sofa, bière, émission de télé avec ma blonde, mes enfants. déguster des bières. Je fais des petites publications des fois le vendredi aussi. Ouais, ouais. Le jeu que je joue, tout ça, j'aime bien ça. C'est comme dans un rétro nouveau de publication, bière, gaming. Après ça, c'est genre la pub est faite. Crisse ça dans le frigo, farine de ça. Ça va sur le fauteuil, on écoute la télévision. Ben, des fois, j'avoue que le jeu que je présente, j'y joue pas nécessairement là, mais ça peut être... Je vais pas nécessairement jouer en buvant ma bière que ouais, je présente, ouais, ouais, non, mais ouais. C'est le jeu du moment. Ouais, ouais. Peut-être que je vais jouer, mais la plupart du temps, je m'enligne pour un avec ma blonde. Ouais, ouais, mais je vais y jouer à la fin de semaine. Mais j'aime bien c'est bien correct, ça. C'est bien correct. Tout ça, c'est fake. C'est fake, esti. C'est Frank qui dit son bout préféré, c'est quand j'ai fait la critique du jeu, il veut y jouer, bon. Ah, absolument. Et sachez qu'on aura des copies physiques de Eartheon chez Retro MTL. Ouais, ça, passez pas à côté de ça. C'est un excellent jeu, pour vrai. Là. Puis je pense qu'on en a commandé une vingtaine. Puis je me demande si c'est assez. Ben, ah, oh, fuck, je pense qu'on est juste à 15. Puis moi, je vais en prendre un. Puis toutes les... En tout cas. Mais les Limited Run, des fois, c'est un petit peu moins de ce que c'était à l'époque au niveau des ventes. Mais en tout cas, on ratez pas ça. Là. Ouais, ça, jouez à ça si vous aimez moindrement les shmups. C'est un excellent. C'est un all-star shmup, ça, là. C'est exact. Vraiment, vraiment très, très bon. On est d'hommes d'être mourir. Je suis étouffé dans mon dos. Alors, merci à tous les Patreons qui nous donnent leur petite monnaie, qui font de l'argent. Really? Ben, je crois. Et ça, c'est... Ah, il se passe de quoi, là, sur Twitch, qu'on comprend pas, là, parce qu'on est vieux. Qu'est-ce que ça fait, ce Redeem Highlight? Redeemed Highlight My Message. 100, on a eu 100 quelque chose. Ah, OK, on a eu 100 quelque chose. Ben, c'est merveilleux, ça. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui était présent dans le chat. On n'aurait pas eu un Redeem Highlight My Message sans... Donc, il se passe des affaires qu'on comprend pas. Vous le voyez pas, ça, en fait, il y a juste nous autres qui le voient. On là, le voit, ouais. C'est ça. Exact. En tout cas, c'est un milestone. C'est un milestone. Ouais, ouais, c'est un milestone. Une nouvelle affaire. Une nouvelle affaire, voilà. Et puis, Denis Talbot est venu ici chez Retro MTL. Ah oui, j'ai vu il y a ouais. Une couple de semaines nous vendre des affaires. Fait que jaser un peu avec lui, de choses personnelles, puis c'était bien intéressant. Et puis, il repartait sa saison ce soir. Alors, bon, je voulais pas l'overlapper, là. Non, mais, bon. C'est parce que nous autres, on fait comme on fait, là. On fait quand on a le temps, parce que notre temps est très limité, là. Exact, on n'est pas flexible parce que nos horaires sont compliqués. C'est pas notre vie, ce show-là non plus, là. Non. Genre, Denis, c'est pas mal genre ça qu'il fait comme job maintenant, son podcast. Hein, fait que lui, c'est ça, là. Exactement. Donc, c'est genre, il y a un spot, là, on le fait là, la titre, là. Exact. C'est compliqué. Je vais recommencer le hockey un peu aussi, puis tout. Fait que, whatever. Fait que, voilà, mais Radio Talbot est recommencé ben aussi. Oui. Alors, voici un autre podcast de jeux vidéo, voilà. Entre autres, et que vous pouvez écouter. On le salue. Donc, merci à tous. Suivez les médias sociaux, Facebook, Instagram. Retro MTL, Papa Cassette, tout ça. La soirée du TikTok, la soirée du podcast bientôt. Yes. Allons nous coucher. Et voilà. Merci beaucoup. Salut. Bye tout le monde.